info, on va s'écouter Aya Nakamura, il y a aussi Cirque Zahir Panda que j'adore. Ah ouais. C'est bien pour lancer la journée. Ouais. Les concours du jour, c'est dans moins de 10 minutes des gens improbables qui font des choses improbables. Je vais vous raconter trois histoires. Attention, on a du lourd aujourd'hui, peut-être les meilleurs concours depuis le début de l'année. Non. Oui. Ouais. Ça va se passer juste après les infos. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. On retrouve du brouillard encore ce matin sur une bonne partie de la moitié nord. Ça devrait se dissiper avec l'arrivée du soleil. Belle journée en vue pour la majorité des régions. Seule ombre au tableau, il en faut bien une. Le quart nord-est qui aura droit à de gros nuages en principe. Pas de pluie en tout cas annoncée pour le moment. Et demain, ce sera globalement la même chose. Les températures cet après-midi, 14 degrés à Belfort, 19 à Bergerac, 22 pour Fayence. Vous êtes tout juste majeur, vous faites donc partie de ceux que l'on appelle les centennials, les Français nés autour de l'an 2000. Une étude s'intéresse à vos habitudes sur smartphone. Un sondé sur trois parmi vous reconnaît qu'il passe trop de temps sur son téléphone portable, près de 2h30 en moyenne chaque jour. En majorité, vous ne supportez pas la pub et vous préférez Snapchat à Messenger et Twitter. Autrement dit, le service national universel, maintenant une période pendant laquelle les jeunes Français devront sortir de leur cocon pour aller à la rencontre d'associations ou tout simplement vivre une aventure collective. La promesse du candidat Macron est en train de se concrétiser. Le dispositif devrait être opérationnel en 2019 et il sera réservé aux 16-25 ans qui sont donc appelés à donner leur avis dans une grande consultation organisée sur Internet jusqu'à vendredi. Rendez-vous sur le site officiel de l'Éducation nationale. On en voit partout à tel point que le gouvernement a promis hier de faire une nouvelle loi sur l'utilisation des trottinettes électriques. Si vous en avez une, sachez que vous serez bientôt interdit de trottoir. D'ici un an en principe, il faudra donc rouler sur les pistes cyclables ou sur la route dans les zones 30. Le nombre d'accidents a littéralement explosé en France ces derniers mois. Encore un match de fou pour l'OL. Lyon a ramené un point d'Allemagne hier soir en Ligue des Champions. Trois partout sur le terrain d'Offenheim. C'est pas si mal après avoir été mené. Manchester City prend donc la première place de la poule devant les Lyonnais. Toujours hier dans le choc de la journée de Ligue des Champions, Manchester United a perdu à domicile face à la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Victoire 1-0 des Italiens en Angleterre. Et puis ce soir, on suivra particulièrement les rencontres Bruges-Monaco, évidemment à partir de 19h. Et puis PSG-Naples, ce sera au Parc des Princes à 21h. L'agenda concert énergie Pink sera en France le 3 juillet pour un chaud événement à la Paris Défense Arena, la nouvelle salle de 40 000 places tout près de la capitale. La billetterie ouvre ce matin à 10h. Pink, nommé d'ailleurs au Energy Music Awards dans la catégorie artiste féminine internationale, vous votez sur le site officiel. On termine avec les sorties ciné du jour, une comédie très attendue tout d'abord, Le Grand Bain, le nouveau film réalisé par Gilles Lelouch. 8 hommes plutôt en difficulté dans la vie se lancent le défi complètement fou de se mettre à la natation synchronisée. Guillaume Canet, Mathieu Amalric ou encore Benoît Poulvord au casting. Sinon, on a également Halloween, le film d'horreur énergie de la semaine. Jamie Lee Curtis reprend son rôle 40 ans après le premier épisode. 6h03, c'est la fin de ce flash. Sport Réveil, bonne matinée. On est mercredi 24 octobre et vous retrouvez Manu dans le 6-9. Bonne journée. Coucou les Wawa. Coucou. Bonjour Isabelle. En pleine forme. Bonjour Paulette. Dans la place. Bonjour Glandu. Youpi. Bonjour. Bonnes vacances! Et bonjour papa! On n'est pas encore parti! Allez, ça commence! 6h03, soyez les bienvenus dans ce 24 octobre 2018. On est mercredi, alors bonjour mercredi! Bonjour mercredi! Ça, c'est fait! Ouais. On a dit bonjour. Ouais. Soyez les bienvenus. On est là avec vous pour démarrer cette journée, pour créer ensemble cette journée. Nous allons être là pendant 3h30. Avec qui êtes-vous pendant 3h30 chaque jour? Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Avec qui vivez-vous vraiment 3h30 par jour? Des collègues d'Open Space. Mais on met souvent un casque pour les pour pas les entendre quoi. Bah voilà, mais ouais. Nous on met un casque pour s'entendre. Ouais, c'est ça. Ah voilà, bah avec qui tu mets un casque pour l'entendre dans la vie? Quand tu mets un casque, ça veut dire foutez-moi la paix. C'est vrai que ma femme, moi je la vois moins que vous quoi. Et alors, on est plus intime finalement. Mais alors, mais si tu prends en temps cumulé franchement. Franchement, est-ce que tu parles avec ta femme 3h30 par jour? Ah pas autant. Ah. Je dis pas autant. Si ce serait autant, forcément ce serait impossible. Tu tiendrais pas le coup. Mais c'est peut-être pour ça que ça dure aussi, c'est que vous fragmentez peut-être. Vos visions l'un de l'autre, ouais, que vous. Tu parles de qui, de Nico et sa femme. Mais de Nico et sa femme. Ah d'accord. Faut pas trop se voir, je pense. Faut se manquer. C'est le manque qui crée l'amour aussi. Paulette, tu pars sur quelle discussion là j'étais en train de dire qu'on était là pendant 3h30 par jour, qu'on était heureux, qu'on était content, et là Paulette, elle commence à chier sur le couple de Nico. Non, je vais voir qu'elle va me faire payer la séance en plus. Je veux pas. Aya Nakamura arrive dans 2 minutes. Juste après, c'est les concours du jour. Des gens improbables qui vivent des choses improbables. On va vous raconter leurs histoires. On a peut-être les 3 plus grosses histoires de ce début d'année. Avec des concons, mais... depuis le début de septembre, c'est les pires. J'ai hâte. Aujourd'hui, on est le 24 octobre. Nous avons 2 journées mondiales. Oui. La première, c'est la journée mondiale sur le développement. Je vous explique. Mmh. Ouais. C'est une journée, je lis le truc. Hein. Ouais. C'est une journée pour convaincre que l'amélioration de la diffusion d'informations et la mobilisation de l'opinion publique serait un facteur important pour une meilleure prise de conscience des problèmes généraux du développement, favorisant ainsi l'accroissement nécessaire des efforts en matière de coopération internationale pour le développement. Fin de la journée. Voilà. Ah ouais, c'est galère. Quand même tout de suite plus clair, je veux dire. Ah bah oui. Bon, deuxième journée, journée mondiale de la poire. Ah, ça c'est beau. Voilà, là on est là, c'est à notre niveau. Là, là on peut dire, on démarre la journée. Ouais. Aya Nakamura sur Énergie. Et juste après, c'est les cocos du jour. Bon réveil. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en telle. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard. Trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. J'suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Ah mes copines, ah mes copines. Mais tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. Ah mes copines, ah mes copines. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Tu veux que bombarder, bom, bom, bombarder. Toi tu planes, planes, planes que la nuit, que la nuit. Tu crois que j'ai ton time à ton avis. À ton avis. M'appelle pas, mi amor. J't'ai barré, mais t'en veux encore. Sur Énergie, il est 6h08, on va s'écouter Kaiser Panda. Takadababoum. Ouais, un peu plus rythmé là. Oh, ouais. Ça arrive pour vous dans 2 minutes, mais avant ça, comme chaque matin, voici les concons du jour. Ouais. Je vous ai promis il y a 10 minutes les concons de l'année. Oui. Les voici. Ah. 3 histoires de gens improbables qui font des choses improbables. Et c'est rare, mais aucun aux États-Unis. J'ai comme l'impression qu'à force d'avoir des concons aux États-Unis, l'Europe est en train de se mobiliser pour dire attendez, nous aussi on peut faire des concons et on peut faire les meilleurs de l'année. Mais oui. On démarre en Belgique, à Charleroi. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, ça s'est passé hier. Un vendeur de cigarettes électroniques voit arriver en plein après-midi 6 braqueurs qui lui réclament la caisse. Le vendeur alors tente un coup de poker totalement improbable. Il leur dit écoutez, Là, il est 13h, revenez ce soir pour me braquer à 18h30, j'aurai plus d'argent. Oh. Et les mecs l'écoutent et ils partent. Oh. Et ils reviennent le soir. Non. À 17h30. Mais non. Ils reviennent à 17h30 et là, le vendeur, les voyant venir, il dit, c'est pas possible. Non. Et là, il leur dit, je vous ai dit 18h30. Mais il n'est que 17h30. Revenez à 18h30. Non. Ouais. Les braqueurs se barrent. Non. Et reviennent à 18h30. Ouais. Sauf que entre-temps, le mec avait quand même prévenu la police qui était là. Quand les mecs sont arrivés à 18h30, ils se sont fait arrêter. Ah, ils sont hyper disciplinés, les gars, quoi. Ah, la, la règle, c'est la règle. Hein. Ah bah, ok, okay, ah, on revient. On veut pas déranger. Tu sais quoi, j'ai l'impression de voir un épisode de Lucky Luke avec les Dalton. Mais c'est ça. Deuxième concours du jour. À Montpellier, un homme trouve une astuce pour éviter les bouchons. Rouler très vite avec un gyrophare et une sirène allumée en se faisant passer pour la police. Oh là. L'astuce a marché. 10 oh. minutes. Puisque dans la circulation, bah, à un moment, tu croises une voiture de police, ils s'aperçoivent que bah, c'est pas la vraie police. Mmh. Les mecs l'ont arrêté. Alors, petit plus, l'homme roulait sans permis. Il était bourré. Il avait déjà été arrêté pour les mêmes faits. Oh, mec. Oh là là, le lavage de l'alcool encore. Rien n'est bien. Ouais. Alors, le coup du gyrophare, en fait, il a fait un truc qu'on a tous rêvé de faire. Mmh. Dans les bouchons. Ouais. Maintenant, grâce à lui, on sait que cette idée, c'est de la merde. Voilà. Dernier concours du jour. C'est encore un truc dingue. En Bretagne, deux surfeurs se dirigent vers la plage. Et là, ils entendent des balles passer près d'eux. Du coup, ils se jettent à terre. Ouais. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ben, c'était les chasseurs. C'était les chasseurs qui avaient tiré. Ils ont été interrogés. Et quand la police leur a dit, mais pourquoi vous avez tiré sur les, surfeurs? Ils ont dit, nous n'avions pas vu que c'était les surfeurs, nous avons cru que c'était les faisans. Waouh! Mais non! Oui. Et on a le taux d'alcoolémie des chasseurs ou pas? Non, on l'a pas. Encore. On l'a pas. Ok. Mais c'est pas possible. Donc, pour eux, un faisan est un petit volatile qui, le week-end, fait du surf. Ok. Je vous avais promis des gros concours du jour. Je vous avais pas menti. Non. Ah ouais. 6h11. Kaiser Panda arrive dans 3 minutes sur Énergie. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9, on démarre la journée ensemble. Manu dans le 6-9. Coucou, c'est Lily Rose, mon papa c'est Manu, c'est lui qui m'a appris à dire caca. Sur Énergie. C'est vrai, je vous le rappelle, c'est le premier mot que j'avais appris. Oh ah, je suis tellement fier de moi. Un jour j'écrirai un livre. Oh non. Help me, it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious. Afraid to be alone again, I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. c'est Cyril Ferraud. Manu, tu viens quand tu veux, hein, participer à Slam. Mais bon, quand t'auras compris les règles, hein. Allez, je t'attends. Honnêtement, personne n'a compris les règles de Slam. Même Cyril Ferraud ne comprend pas les règles de Slam parce qu'il y a une bonne raison à ça, il n'y a pas de règles. Oui, d'accord. Voilà, je défie quiconque de m'expliquer les règles de Slam. Ah ouais. Voilà, non, franchement, non. C'est impossible. On y prend goût, hein. Faut regarder 2-3 émissions, mais au bout d'un moment, on y prend goût. Cet été, j'ai regardé un peu. Non, mais j'avoue, je me confesse. On dit la même chose de l'alcool, hein. C'est pas pour non. ça que c'est bien, hein, je vais te dire. Hein. Alors, tu vois, les ravages de Slam sont peut-être. Ne serait-il pas pire que ceux de l'alcool? Non, je ne crois pas, Manu. D'accord, non. Ok. 6h15, on va s'écouter 15h Panda, et juste après, nous sommes tous des ouin-ouin. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment dans notre vie, on fait tous un truc, on se dit, mais on est vraiment con d'avoir fait ça. Ouais. Et ben, c'est ce dont on va parler dans 5 minutes. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler, vous faites un truc, et à un moment, vous dites, je suis con, quoi. Ouais. Ding! C'est la marque ouin-ouin. Ouais. Tampon, paf! C'est dans 3 minutes, juste après Kaiser Panda sur Énergie. Soyez les bienvenus, c'est mercredi, c'est le 24 octobre et on démarre la journée tous ensemble. Il est 6h19, on va s'écouter de David Guetta. Ça arrive dans 3 minutes, mais avant ça, on va tous se rassurer. Ouais. Nous sommes tous des ouin-ouins. Oui. Il y a des fois, on fait un truc dans la vie, on se dit, mais putain, je suis con. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas un truc très grave, mais on se dit, on est con, on est ouin-ouin. Ouais. Et ben, nous sommes tous des ouin-ouins et nous allons le prouver maintenant. Qui veut commencer à dire, je suis fier, je suis un ouin-ouin? Ouais. Allez, Nico. Ouais, je suis chaud. Moi, ça m'est arrivé hier après-midi. En fait, j'ai passé l'après-midi à cuisiner un bon petit plat pour ma femme. Oh. Je lui ai fait un gratin d'aubergine à l'italienne. Sympa. Wow. Un truc très cool. Classe. Et en fait, elle est rentrée hier du boulot et elle aime pas les aubergines. Oh. Ah, c'est moi, hein. Et c'est vrai que je savais pas trop. Du coup, mais tu savais pas trop, ça fait 10 ans que t'es avec elle. Ouais, mais c'est vrai que j'en fais jamais, quoi. Et je me suis gratin d'aubergine, putain, ça change des légumes, enfin des légumes. Et ça a pas marché, quoi. Donc on a commandé à manger. Les légumes, je suis en train de me demander si c'est pas comme les chats, ils veulent la fin de notre civilisation. Non. Barbara, bonjour. Bonjour, salut les ouin-ouin, salut Mamie. Bienvenue salut. Sur Énergie, Barbara. Toi aussi, merci. Tu as été ouin-ouin, on t'écoute. Ouais, alors moi je suis aide-soignante et j'étais dans la chambre d'un patient pour l'aider à se remonter dans le lit. Et donc je lui ai demandé de pousser sur ses jambes pour m'aider. Le problème en fait c'est qu'il n'avait plus de jambes. Il était amputé des deux jambes ce patient. Oh. Ah merde. Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire que oublier que sa copine n'aime pas les aubergines, c'est une chose. Oui. Oublier que ton patient n'a plus de jambes, c'est un problème. Voilà. Il a réagi comment? Il t'a dit je ne peux pas, madame? Non, il m'a pas dit ça, mais je l'ai vu. En fait, quand je l'ai dit, j'ai su que je me suis rappelé en fait que mon patient avait pas de jambes. Je le connaissais très bien, ça faisait longtemps qu'il était dans le service. Mais bah oui, évidemment, il peut pas partir du coup. Hein, comme c'est des automatismes qu'on dit, c'est vrai. Voilà, sur le coup, je l'ai dit et sans me voilà. Bon, il t'en a pas voulu. Ah là là. Non, pas du tout. Non, après on a rigolé. D'accord. Non, non, mais il a demandé ta démission quand même. Non, non. Merci de nous avoir appelé. Merci beaucoup. Ah, bah, ouin ouin du jour, Barbara. Ah ouais. Glandu. Moi aussi, j'ai poussé sur ma jambe. En fait, je me suis levé, mais j'avais oublié que j'avais une entorse au pied droit. Je me suis levé tout content, c'est en sursaut. Oui. Et ben, je suis retombé direct sur mon lit. Ah, c'est pas mal aussi. C'est moins grave que d'être amputé des jambes, quand c'est même. Ça. Mais c'est bon, ouais. Ça a fait mal. Parce qu'on vous rappelle que Glandu a une entorse depuis deux jours qui fonctionne avec des béquilles. Ouais, c'est ça. Cinq jours. Hein, plus et que t'avais oublié, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Allez, ouin-ouin. Ouin-ouin. Émilie, bonjour. Oui, salut Manu, salut les ouin-ouin. Bienvenue sur Énergie, Émilie. Toi aussi, t'as été totalement ouin-ouin, on t'écoute. Ah ouais, complètement. En fait, je suis caissière et il y a une personne qui passait à ma caisse. Et au bout de la troisième fois, dans la même semaine, en fait, moi, je disais toujours au revoir, monsieur, merci, monsieur. C'est bien, t'es poli. Et à la fin, au bout de la troisième fois, la personne me dit, je suis pas un monsieur, mais je suis une dame. Aïe. Voilà, gros malaise. Alors, soit t'es ouin-ouin, effectivement, t'es pas physionomiste, soit effectivement, si elle truquait en mettant de la barbe, par exemple. franchement, c'était limite. N'en rajoute pas, Émilie. Émilie, n'en rajoute pas. Merci de nous avoir appelé, belle journée à toi. Je suis ouin-ouin, Isabelle. J'ai fait une croix sur ma main, moi je fais ça souvent pour me souvenir des choses. Moi je fais une petite croix sur ma main. Sauf que en fait, j'ai oublié le truc auquel je devais penser grâce à cette croix. Des fois on fait ça, alors si je mets ça là, ça veut dire que je me rappellerai qu'il faut que je fasse ça. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qu'on appelle smartphone qui est génial. Il y a des notes à l'intérieur et on peut écrire maintenant. Tu verras, Isabelle, c'est top. Je vais me faire une croix sur la main pour y penser. Laura, bonjour. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Salut. Bienvenue parmi nous. Toi aussi, tu es ouin-ouin, prouve-le nous. Ouais, alors moi, c'était la semaine dernière. En fait, en allant à la danse, je me suis recoiffée dans la vitre d'une voiture qui était garée et la vitre s'est baissée au bout de quelques secondes et le monsieur à l'intérieur m'a regardée avec un grand sourire. Tu veux dire que tu te recoiffais devant la vitre, ça faisait miroir? Ouais, c'est ça. Ah oui. Ça aurait pu être pire, quoi. T'aurais pu t'enlever les trucs dans les dents, tu vois. Ouais. Ça aurait pu être pire, t'aurais pu carrément changer de culotte. Enfin, moi, devant une vitre. Qui fait ça? Qui ne le fait pas? Merci de nous avoir appelé, Laura. Gros bisous. Paulette, tu as été ouin-ouin? Ah oui, dernièrement, j'ai voulu retirer 20 euros. Et en fait, en m'appuyant, je ne sais pas comment j'ai fait. Sur le distributeur? Ouais, sur le distributeur, j'ai retiré 200. Wow. Mais le pire, c'est que. T'as mal appuyé? 20, 200? Moi, je ne pensais pas que j'avais mal appuyé. Moi, je pensais que c'était une erreur de la machine. Donc, j'ai fait la queue pendant une heure à la banque pour les prévenir. En fait, j'avais retiré 200 euros, tout simplement. Wow. Je m'étais planté, quoi. Parce que sur mon compte, il y avait moins 200, finalement. Est-ce que tu crois vraiment qu'entre toi et un distributeur, c'est le distributeur qui le plante. Paulette, j'ai encore un peu d'espoir. Paulette, franchement, pose-nous les questions la prochaine fois. Hein. Non, parce que si on aurait pu te répondre directement. Hein. 6h24. Don't you ever leave me, don't you ever... David Guetta arrive pour vous dans 5 minutes. Et les sondages du matin arrivent aussi, c'est dans 10 minutes. Soyez les bienvenus sur Énergie, on démarre la journée ensemble. Manu dans le 6-9. C'est les ouin-ouin sur Énergie. Vos hits préférés ici c'est Énergie. Énergie.

Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Dans 10 minutes, les sondages du matin arrivent. On va s'écouter David Guetta juste après les infos. Juste après les infos. Pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Attention, brouillard encore en ce moment dans la moitié nord. Soyez très prudents sur la route. Le soleil, en tout cas, va prendre le relais dans la matinée. Du ciel bleu sur les trois quarts de la France aujourd'hui. Seul le nord-est devrait passer les prochaines heures sous les nuages. Pas de pluie annoncée en principe. Même tendance pour demain au niveau national. Les températures max aujourd'hui comptaient 15 degrés à Sedan, 18 au Mans, jusqu'à 19 pour Albi. Des études sur le sujet, il y en a plein en ce moment et pour cause, on s'imagine mal vivre sans smartphone. La preuve, 9 ados sur 10 estiment que leur téléphone portable est indispensable à leur relation amicale. 62% pensent même qu'il s'agit de l'instrument indispensable pour entretenir leur vie amoureuse, voire plus. 18% des 15-17 ans ont déjà envoyé ou reçu des sextos. Un autre phénomène, les trottinettes, et notamment électriques, envahissent les trottoirs des grandes villes. Eh bien, elles sont bonnes pour l'environnement, c'est vrai, mais aussi elles posent de gros soucis pour la sécurité routière. On a une explosion du nombre d'accidents dernier. En 2019, elles seront donc interdites de trottoir. Il faudra rouler sur les pistes cyclables ou sur la route dans les zones 30. Le gouvernement va sévir. La ministre du Travail a prévenu hier, les entreprises auront 3 ans pour se mettre au niveau. 3 ans pour respecter les règles sur l'égalité des salaires hommes-femmes à partir du moment où elles auront été prises sur le fait. Passé ce délai, elles seront bientôt punies et ça pourrait coûter très cher pour les boîtes de plus de 50 salariés. Une amende pouvant monter jusqu'à 1% du chiffre d'affaires est prévue. Le foot ce soir, 2 clubs français en Ligue des Champions. Monaco se déplace en Belgique à Bruges dès 19h. PSG-Naples, ce sera juste après au Parc des Princes. Hier, Lyon a ramené un bon point de l'Allemagne. Les Lyonnais ont fini à 3-3 contre Hoffenheim après avoir été menés. Son masque blanc a terrifié toute une génération. Michael Myers, le tueur d'Halloween, est de retour au ciné aujourd'hui avec un nouvel épisode de la saga pour Energy. L'histoire nous transporte exactement 40 ans après le premier volet avec Jamie Lee Curtis au casting. Pour elle, Halloween est bien plus qu'un simple film d'horreur. Écoutez. C'est une combinaison qui ne peut que fonctionner. On a d'un côté un personnage purement diabolique, un être humain finalement totalement inhumain, un fou, et face à lui, on a une femme, vulnérable, une idéaliste, romantique et tolérante. Quand vous opposez les deux, ça donne forcément un film intense, plein de suspense. Et 40 ans plus tard, rien n'a changé. On retrouve cette tension incroyable entre ces deux forces. Bon, l'interview de Bertrand L'Aiguillon en salle également aujourd'hui dans un autre genre, la première adaptation ciné de Winnie l'ourson avec Ewan McGregor. 6h32, c'est la fin de ce flash. On est le mercredi 24 octobre. Très bon réveil, très bonne journée sur Énergie. Vous retrouvez Manu dans le 6-9 et nous on se donne rendez-vous dans une toute petite demi-heure. Bonne journée. On est là avec vous comme chaque matin, 6h33, dans 5 minutes, juste après David Guetta et Anne-Marie, ce seront les sondages du matin. Ouais. Et selon une étude scientifique, les humains ne sont biologiquement pas faits pour le faire avant 10h. Ah, de quoi il s'agit, la réponse dans 5 minutes, et c'est pas le sexe. Okay. Je vous l'annonce. Mais nous allons quand même parler de sexe maintenant. Ah oui. Je me disais aussi, c'est bizarre. Oui, vous inquiétez pas, j'ai toujours une info sexe. J'ai une enquête sur les rituels que nous faisons avant et après le sexe. D'accord. Ah ouais. Okay. On va voir ouais. si vous faites pareil. Okay. Avant le sexe, prenez une douche. Ah, ah ouais, souvent. Il y a des gens, c'est le rituel, ils prennent une douche. Ouais. Oui, moi ça peut m'arriver avant, après, c'est bien. Trop. Effectivement, c'est bien de prendre des douches. Non, mais avant le sexe. Oui, c'est ce que je sais. Ce oui. Ensuite, nous brosser les dents ou faire un bain de bouche. Ah, ouais, ça ouais, c'est important. C'est important, enfin c'est bizarre devant l'autre. Attends, je vais me faire un bain de bouche parce que j'ai une haleine. Ouais, ouais. Ça peut être aussi un tuile amour, hein, du coup. Le bain, oui, mais bah c'est, oui, devant la personne. Ouais. Vous le faites exprès toutes les deux là de répéter ce que je dis. Ouais, d'accord. Hein. Okay. Avant le sexe, dans les choses qu'on fait de façon un peu rituelle, nous raser. Il y a des gens, ils se rasent avant de faire le sexe. Mais les hommes du coup, ou les femmes aussi? Bah les femmes là c'est un problème. C'est gênant. Attends, je me fais la moustache. C'est bizarre. Mais c'est vrai qu'il y a des filles qui sont allergiques à la barbe. Et moi j'en fais partie. Donc ça m'arrange quand mon chéri se rase un petit peu avant. T'es allergique à la barbe? À la barbe, ouais, ça me fait des plaques rouges et ça me gratte. Donc j'ai plus tellement envie de faire l'amour après. Et t'es allergique à tous les poils? Tout, bah, ah ben, je sais pas. Non, est-ce que, je vais dire, ouais, est-ce que tu lui as demandé de se raser le pubis? Je veux dire, Non, Manu. Non, là ça va. Ouais, ça donc va. Demain, si Isabelle vient avec des plaques rouges. Oh. T'es lourdeau des fois. Hein. Ouais. Dans les choses qu'on fait avant le sexe, c'est aussi changer de sous-vêtements et pour les filles, mettre de la lingerie sexy. Oh. Bien sûr. Quand vous savez que vous allez faire l'amour. Bah, la base. Ensuite, il y a aussi changer les draps. Ah bon? Ouais, il y a des gens, ils changent les draps dès qu'ils vont faire l'amour. Ouais, c'est, dis donc, il faut avoir la fréquence quoi. Si tu le fais tous les jours, ça fait des lessives quoi. Ouais, ça donne une bonne excuse pour pas le faire du coup. C'est vrai. Non, désolé, t'as la migraine? Non, les draps, j'ai plus de draps propres. Et il y a des gens avant le sexe, en rituel, ils allument tout le temps une bougie. Ah ouais? Ouais, bah, je pense qu'ils mettent un cierge pour prier pour que ça marche. Et dans les choses qu'on fait après le sexe, il y a regarder la télé. Ouais. D'accord. Oh. C'est le genre le rituel. On a fait l'amour, regarde la télé. Oh, un petit câlin, normalement tu discutes un peu quoi. Ouais. C'est la base. Ça dépend. Ça dépend si la série a commencé, excuse-moi. Oh. Romantique. Bah, quand t'as la saison 2 de la Casa des Papel qui arrive. Il y a ensuite boire un verre d'eau, c'est smart. Ouais. Ah ouais, tu bois un verre d'eau, c'est genre en mode champion du monde. Ouais, ça a été pas mal, j'ai besoin de me ressourcer et j'ai besoin de m'hydrater. Ouais, comme après le sport, mais c'est important je trouve. Oui, c'est vrai, c'est du sport en soi, cela dit. Ça dépend qui. Oui. Alors moi c'est vraiment je ne fais que l'échauffement. Hein. Okay. Dans les choses qu'on fait après le sexe, il y a aussi cuisiner carrément. Des gens ils savent cuisiner, commander de la nourriture emportée et se précipiter sur les réseaux sociaux. Oh. Mais qu'est-ce que tu mets? J'ai baisé. C'est bizarre. Allez, 6h36. David Guetta et Anne-Marie sur Énergie. Et juste après c'est les sondages du matin. Bon réveil, bienvenue sur Énergie. Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day, we didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. I don't wanna call and you not answer. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV. Bon réveil sur Énergie, on va se faire du bien dans 5 minutes en se parlant de nos win-win moments. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un win-win moment? Ouais. C'est un moment gagnant-gagnant. D'accord. Nous allons parler des médailles et les coupes qu'on a. Ouais. Ah. Qu'avez-vous chez vous comme médaille? Qu'avez-vous chez vous comme coupe? Ça peut être un truc tout pourri. Un truc que vous avez gagné quand vous avez 3 ans, genre meilleure peluche. On sait rien. Qu'est-ce que vous avez comme médaille et comme coupe qui vous rend fier, que vous avez toujours chez vous? 0-870-42-48. On vous prend au téléphone dans 3 minutes, juste après Dadju. Mais avant ça, voici comme chaque jour les sondages du matin. Ah, ouais. 73% des femmes en ont tout le temps dans leur sac à main. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez tout le temps dans votre sac à main, Isabelle? Des mouchoirs. C'est pas des mouchoirs. Un livre. C'est pas un livre. C'est liquide ou solide? Les deux. Ah ouais? Ça peut être liquide ou ça peut être solide. Ah. Des bonbons? C'est pas des bonbons. Est-ce que c'est vraiment très utile? Ah oui, c'est très utile, oui. Oui. Donc c'est quelque chose qui se mange? Ça se peut se manger, ça peut se mettre en pommade, ça peut se mettre dans le nez, ça peut se mettre aussi dans le cucu, ça peut se mettre partout puisque ce sont des médicaments. Ah ouais. Eh oui. Tu m'as fait peur là, oui, d'accord. Oui, bah non, okay. Je ne parlais pas de... 73% des femmes ont tout le temps dans leur sac à main des médicaments. Ouais. C'est vrai. Là, moi, j'ai tout. J'ai pour le ventre, la tête, si tu te casses quelque chose aussi... T'as des trucs pour la tête? Oui. Prends. Ah, pour le mal de tête, pardon. Oui, le mal. Ah, je crois que t'avais pris du 1-500. 3% des gens redoutent que ça leur arrive lors de leur première nuit avec quelqu'un. D'après vous, c'est quoi, Nico? Ne plus se souvenir de la personne qui est à côté. Oh. De qui c'est? Ah. De qui c'est? Ouais, si t'es un peu picolé, je te réveille le lendemain, tu dis oula. Ah, attends, non, rien à voir avec ce que pourrait entraîner l'alcool. D'accord. Tomber du lit? Non. C'est pas ça, Paulette? Se louper sexuellement, enfin, pas arriver à. Ah non, c'est plus que 3% des gens, ça, hein, je pense. Ouais. Ah bon? Ouais. 3% des gens redoutent que ça leur arrive lors de leur première nuit avec quelqu'un. Parler en dormant. Non, mais c'est en dormant, quelque chose en dormant. C'est un truc qui t'arrive donc sur ton corps? Oui. C'est gênant. Faire un prout. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais. 3% des gens redoutent qu'au premier rendez-vous, à la première nuit. Ouais. C'est pas beaucoup, 3% Manu, je trouve. Moi, c'est déjà. Après, si tu le redoutes, c'est que tu l'as déjà fait. Oui. A priori, je redoute pas ça. Non, mais je redoute pas ça. Tu me regardes pas comme ça. Je veux dire, je le redoute. Tu veux dire que ça t'est jamais arrivé, donc voilà. Tu redoutes pas. Voilà. Jamais. De nuit, je dors, donc non, je pense pas. Je sais pas, on m'aurait prévenu. Non. Ou pas. Et peut-être que nous, on en aurait entendu parler. Arrête. Selon une étude scientifique, les humains ne sont biologiquement pas faits pour le faire avant 10 heures. De quoi il s'agit d'après vous, Nico? Parler. Ouais, genre de bonne humeur et tout, parler avec les gens. Non, c'est pas ça. Se réveiller? Se lever? Non. Avoir le sens de l'humour? Non plus. Faire du sport? Non. On le fait tous les jours? On le fait tous les jours. Ah oui, tous les jours. Sourire? C'est pas sourire. Selon une étude scientifique, les humains ne sont biologiquement pas faits pour le faire avant 10 heures. Travailler? Bonne réponse. Ah ouais? Eh ouais, on est biologiquement pas fait pour travailler avant 10 heures. C'est inquiétant pour nous, non? C'est inquiétant pour toi. C'est marrant, il n'y a que toi qui soulève ça. Hein. 6h42, Dadju sur Énergie, les sondages du matin reviennent demain à la même heure. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Comment gérer sa vie charismatique? Elle est sexy, elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère.

Jane, tout de suite pour vous, dans 15 minutes à 7h05, on double votre salaire. To look down at you. Things gonna be avec vous comme chaque jour pour démarrer la journée et on va s'écouter dans un instant. On veut du Claudie Musette. Trois cafés gourmands, ça arrive pour vous. On double votre salaire à 7h05 et avant ça, quelques infos. Ouais. Aujourd'hui à Paris, il va y avoir une vente aux enchères ultra surveillée. Ah ouais? C'est quoi? Cette vente aux enchères va attirer beaucoup de monde et même le monde sera arrivé sur cette vente aux enchères. Mm-hmm. Quatre œuvres de Banksy vont y être vendus et tout le monde veut y être au cas où il se passe quelque chose comme la dernière fois. Ah bah oui, rappelez-vous, ouais. Ça s'est passé il y a 2-3 semaines. Ouais. Une œuvre de Banksy avait été, c'était un tableau, avait été vendu quasiment 1 million d'euros. Mm. Et quand le tableau a été vendu, en fait, dans le tableau, il y avait un. Comment on appelle un ça système un système de découpage. Broyeur. Exactement, un système d'un broyeur qui était caché. Qui a broyé la table. Ouais. Le mec a perdu son million d'euros en gros. Et ça, tout le monde en a parlé. Et bien là, il y a quatre œuvres de Banksy qui vont être vendues. Tout le monde s'attend à quelque chose. Et Banksy a dit, il a laissé ce message, que s'il se passe quelque chose, ce ne sera pas une redite. Ce sera autre chose. Un truc qui prend feu, quoi. Une toile qui prendrait feu comme ça. C'est fou, ça. Ouais. Oui, c'est pas dingue, hein. Mais... Non, c'est pas dingue. C'est encore une fois, il va cramer ses toiles, quoi, le mec. C'est rigolo une fois. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est quand même très stressant. C'est que tu mises avec la crainte qu'à tout moment, si le tableau t'est adjugé, il te pète à la tronche face au canot du Schtroumpf farceur. Parce que veut dire, et accessoirement, ça te fait perdre un million aussi. Donc là, les enchères, ça va être 20 euros. Non, plus 22. 24. Non, c'est des enchères à l'envers. 16. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ah, aux États-Unis, nous avons un nouveau champion du monde. Ouais. Un mec de 16 ans vient de devenir champion du monde de Tetris. Tetris, tu peux me rappeler ce que c'est déjà? Le jeu Tetris, c'est un jeu vidéo qu'il y avait sur le Game Boy à l'époque. Ouais, il y a encore des gens qui jouent à Tetris, quoi. Et ben, c'est vraiment le truc le plus incroyable là-dedans, quoi. C'est qu'il y a un champion du monde de Tetris, à mon avis, il n'y avait que lui. Ouais. Et voilà. Dans 30 ans, il y aura un champion du monde de Candy Crush.

En ce moment, dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Et Lisa croise un responsable du rayon frais. Mon cousin italien arrive demain. Il tombe à pic. Pour l'achat d'une pizza Debo chèvre affinée lardon ou 4 fromages fondants de 470 grammes, la seconde est offerte, soit 2,69€ les deux pizzas. 2,69€ seulement ? Ah, ça m'épate. Non, des pizzas. Épatant. Dépêchez-vous, les ventes privées live, c'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com, soit 2,86€ le kilo, transformé en France. U. Commerçons autrement. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Dis donc, sympa ta nouvelle voiture. Oh, attends, c'est rien à côté de ma nouvelle assurance. Ah tiens, justement, c'est elle. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que votre nouvelle voiture est désormais assurée chez nous. Et vous venez d'économiser 245€ pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Eh, c'est ton appli banque qui va être contente. En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. Besoin d'un coup de main ? Non merci, je vais me débrouiller toute seule. Ah bon, pourtant monsieur Bricolage, j'aimerais vous remercier. Me remercier de quoi ? De votre fidélité, en vous offrant 15€ en bon d'achat par tranche de 100€ d'achat. 15€ offerts ? Mais c'est Noël ! Où ça ? Ah non, lui c'est Gaël. Salut Gaël ! Jusqu'au 27 octobre seulement, faites des économies avec la carte Monsieur Bricolage et recevez 15€ par tranche de 100€ d'achat. Magasin participant sur monsieurbricolage.fr. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h01 qu'on amène le coq. Parce que c'est son métier. Énergie. Le dernier DJ Snack arrive pour vous. Ce sera après les infos et on va doubler votre salaire dans 4 minutes. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. On retrouve du brouillard encore ce matin sur une bonne partie de la moitié nord. Ça devrait en tout cas se dissiper assez vite avec l'arrivée du soleil. Belle journée en vue pour la majorité des régions. Seule ombre au tableau, il en faut bien une. Le quart nord-est qui aura droit à de gros nuages. En principe, pas de pluie annoncée pour le moment. Demain, ce sera globalement la même chose. Les températures cet après-midi, 14 degrés à Belfort, 19 à Bergerac, 22 à Fayence. Être né autour de l'an 2000, ça fait de vous un centennial, objet d'une étude ce matin. Un tiers des sondés avouent passer trop de temps à cet âge-là sur son téléphone portable. Près de 2h30 en moyenne chaque jour. En majorité, vous ne supportez pas la pub et vous préférez Snapchat à Messenger et Twitter. Rendez-vous sur le site de l'Éducation nationale. Une grande consultation est organisée jusqu'à vendredi pour demander aux 16-25 ce qu'ils souhaitent pour le service universel. La promesse du candidat Macron est donc sur les rails. Attendue dès 2019, elle devrait permettre aux jeunes Français de quitter leur cocon pour aller à la rencontre des associations tout simplement vivre une aventure collective et il y aura forcément une partie obligatoire. Un véritable jungle entre les vélos, les rollers, les poussettes, les piétons, les yeux rivés sur leur portable, on a souvent du mal à se frayer un chemin sur les trottoirs des grandes villes. Depuis quelques temps, les trottinettes électriques viennent d'ailleurs compliquer tout ça. Le gouvernement a donc prévu de nouvelles mesures dans sa loi sur les transports pour 2019. Il faudra rouler sur les pistes cyclables et sur la route dans les zones 30. Pas question de revenir en arrière, le Premier ministre a une nouvelle fois assumé les prochaines hausses du prix de l'essence prévues en 2019. Pendant ce temps, heureusement, les prix baissent légèrement à la pompe cette semaine, une première depuis très longtemps. Un point, c'est mieux que rien. Lyon a concédé le match nul dans les arrêts de jeu hier en Ligue des Champions de football. 3-3, score final sur la pelouse d'Offenheim en Allemagne. Du coup, Manchester City prend la première place de la poule devant les Lyonnais. Ce soir, on suivra particulièrement, évidemment, les rencontres Bruges-Monaco à 19h et PSG-Naples à 21h. Le mercredi, c'est ciné. On parle d'une sortie très attendue. Pas aujourd'hui, c'est vrai, mais dans un petit peu plus d'un mois. L'affiche d'Astérix, Le secret de la potion magique, est dispo depuis hier. Une nouvelle adaptation de la célèbre BD sur grand écran, une de plus. Cette fois, il s'agit en tout cas d'un film d'animation avec les voix de Christian Clavier, Florence Foresti ou encore Elise Moon. Panoramix, le célèbre druide, partira à la recherche de son successeur à travers la Gaule. Pink en concert, c'est forcément un événement énergie. La chanteuse se produira à la Paris La Défense Arena de Nanterre. L'année prochaine, ce sera le 3 juillet. Notez bien le rendez-vous. La billetterie ouvre ce matin à 10h précise. Pink, au passage, est nommée aux Energy Music Awards dans la catégorie artiste féminine internationale de l'année. Vous pouvez en faire votre gagnante sur energy.fr. 7h04, c'est la fin de ce flash, mercredi 24 octobre. Bon réveil avec Manu dans le 6-9. Très bonne journée. I'm not afraid to démarrer encore une fois cette nouvelle journée. Ne vous laissez pas avoir par votre cerveau qui vous dit « on est fatigué ». Non, non, non, non, arrête ça. Franchement, c'est tellement 2017. Qu'on est bientôt en 2019. Ouais. On est content d'être là. Tout le monde est là. Les moins du matin. Il y a Isabelle. Coucou. Paulette est là aussi. Hey, il y a Glandu. Pleine forme. Il y a Nico. Au taquet. Il y a vous avec nous. N'hésitez pas à nous appeler au 0870 42 48. Vous venez avec nous. Nous allons ouvrir la hotline qui ne sert à rien dans 10 minutes. Ah, génial. Ah, cool. Ça fait longtemps que la hotline n'a pas sonné. Le principe est très simple. C'est une hotline que vous pouvez appeler si vous avez un problème qu'on ne peut pas résoudre. Oui. D'où le nom, la hotline qui ne sert à rien. Vous avez un souci, vous êtes sûr qu'on ne pourra rien y faire, c'est le moment. Ouais. 0870 42 48. Tout de suite, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Avant d'écouter le nouveau DJ Snake, nous allons appeler Audrey. Elle a été sur énergie.fr pour s'inscrire, pour que je lui double son salaire. Elle habite Ménéval, c'est dans l'Eure, elle a 27 ans et elle touche 1170 euros par mois. Audrey, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Ménéval ou Ménéval ou Meneval, M-E-N-E-V-A-L. Je ne sais pas, il n'y a pas d'accent. Ouais. Meneval. Allô. Meneval. Oh, peut-être. Meneval. Ouais. Meneval. Meneval. Meneval. Meneval. Elle a décroché. Ah, elle a décroché. Oui. Audrey. Oui. Bonjour Audrey de. Bonjour. De la ville. De la ville de Meneval. Ah, Meneval. Meneval. Eh, on avait tout fait sauf ça. Ouais. Allez, voilà. Audrey de Meneval, j'ai une question à te poser. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. C'est gagné, Audrey. Oh, purée. Oula, oula. Ça va, Audrey? Ouais, ça va, ouais. Ouais, carrément que ça va. Ah bah, ouais, ça peut, donc ça peut aller, parce que ça fait quand même... Ouh, c'est une émotion. Ah. Tu peux, ça fait quand même 1170 euros x 2, ouais. 2340 euros pour toi. Ouais. On dirait Julien Lepers, ça. Merci. Je t'en prie. Je suis l'as des cadeaux. Je suis le roi des compliments. Ouais. Oh, oui, je vois ça. Audrey, 2340 euros pour toi. Ça va arriver très très vite. Tu es vendeuse dans une épicerie normande. Oui, exactement. Alors c'est très précis. C'est vrai que vous faites que des produits normands. Oui, 100% des produits sont fabriqués dans notre belle Normandie. C'est que des produits locaux qui sont vraiment excellents, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que tu m'aurais dit, alors ce sont que des produits locaux qui sont dégueux. Forcément, t'aurais mal vendu ton épicerie. Et qu'est-ce qu'on achète alors si on a envie de faire un vrai beau cadeau à quelqu'un quand on est dans c'est ton épicerie? Comme partout, hein, le thermomètre là. C'est vrai. Non, parce que c'est un truc, c'est, excuse-moi, mais dans tous les magasins locaux, oui, t'as toujours ce putain de thermomètre avec la pomme de pain collée là. Ouais, bien sûr. C'est ouais. Pas chez nous. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Elle a raison. On veut garder un souvenir de Normandie. Qu'est-ce qu'on peut acheter chez toi? Bah, une bonne bouteille de Calvados en général. Okay, ou mais alors si on... du pommeau ou du cidre de glace aussi. Il y en a des producteurs locaux là, qui font du cidre de glace. Audrey, est-ce que vous avez un truc pas alcoolique? Ouais, c'est ça. Parce que là, tu fais une mauvaise réputation à la Normandie. Hein. Bah, après, on a des bons jus de pommes. Avec des belles pommes de Normandie aussi. Voilà. Okay. Du jus de pomme. Ouais. Bon. En cadeau, après, du on jus a de pomme. Des bons chocolats aussi. Le fameux chocolat normand. Ouais. Il est sacrément réputé, le chocolat normand. C'est-à-dire qu'elle fait tout finalement pour vendre sa boutique. C'est... Il y a aussi des beaux oreillers. Il y a des beaux lits. Et sachez qu'on peut faire aussi le double de vos clés. Audrey, te double ton salaire. 2340 euros, ça arrive très vite. Oh, merci beaucoup. Franchement, vous êtes au top, quoi. Je vous écoute depuis des années et vous êtes changez pas, vous êtes parfait. Eh ben écoute, vous êtes géniaux. Bravo à toi de nous écouter depuis des années, parce que même nous, des fois, franchement, on essaie de s'auto-zapper. Non. On t'embrasse fort. Non, franchement, continuez. Vous êtes terrible. Merci beaucoup. Merci d'être là chaque matin avec nous. Et ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire. Energie.fr ou Manu dans le 69.com, c'est gratuit. DJ Snake, le nouveau, c'est avec Selena Gomez, c'est Taki Taki. Bienvenue sur Énergie, on démarre la journée ensemble. On est mercredi, c'est le 24 octobre. Bon réveil. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I'm music, I flow. Hey. piggyback, I'm hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me you for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. The work it keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gives on. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Bienvenue sur Énergie, il est 7h12. Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France arrive dans 3 minutes pour vous. Yes. Ah oui. Il va appeler quelqu'un pour prendre des nouvelles. D'accord. Oui, ouais. Je vous rappelle que Georges est un robot, que ce sont des messages automatiques et qu'il prend donc des nouvelles de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ouais. Mais ça marche. Ça sera dans 3 minutes. Avant ça, quelques infos. Alors là, c'est un truc de dingue. Ouais. En Autriche, un homme a dépensé dans les machines à sous d'un casino 2,5 millions d'euros en 10 ans. Oh, wow. C'est énorme. 200 000 euros par an. Mais il a gagné combien? On sait ou pas? Ah non, il a pas gagné. C'est bien énorme. Le problème. Quoi? Il a dépensé 2,5 millions d'euros. Et il vient de faire un truc dingue. Grâce à une expertise médicale, il a prouvé au tribunal son addiction au jeu. Ouais. Et en prouvant son addiction au jeu au tribunal, le casino a dû lui rembourser les 2 millions et demi. Ah ouais? C'est quoi? C'est dingue. Oh, c'est pas bien. Ah bah, c'est un énorme problème parce que tous les gens qui ont perdu énormément d'argent maintenant vont tenter le truc. Bah oui, c'est la fin des casinos quoi. Oh, la fin des casinos. Non, mais c'est vrai. Tu sais quoi, on vient de lancer un nouveau truc pour le prochain Capital. Ouais. Ou zone interdite. Enfin bref, ouais, on leur a donné un truc. Des nouvelles de Drake. Il a 32 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ah. Okay. Et il a dit à propos de Rihanna, Rihanna c'est son ex. Mm-hmm. Qu'il l'aimait toujours et qu'il aurait aimé lui faire des enfants. Oh, oui. Wow. Ce à quoi Rihanna a répondu, je suis flatté. Ouais. Oh, c'est pas bon signe. Non, ouais. Non, non, non. Comme quand tu dis je t'aime à quelqu'un et qu'elle te dit bah c'est sympa. Ouais. Merci. C'est exactement. Tu veux sortir avec moi? Quand ça commence par écoute, ça me flatte, c'est que globalement la suite de la phrase va puer. Hein. Allez, 7h14, on revient tout de suite avec Big Flo Oli. Et c'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, dans 3 minutes. Manu dans le 6-9. Sur Énergie. C'est Manu et les ouin, ouin, ouin du matin. Manu dans le 6-9. Énergie. Music only. All I need is one more man is enough. But if you got it all, just turn your fears into trust, to trust. Words are love when all is said and done. De l'émission Le Meilleur Pâtissier sur M6. Vous voulez le secret de mes tartelettes ? Tous les matins, je leur fais écouter Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et ce soir, c'est Le Meilleur Pâtissier sur M6. Et les candidats, justement, devront faire un gâteau. Et alors, écoutez bien, un gâteau qui fait penser à une scène de crime. Hein ? Oula. Oui. Alors, je sais faire ça, moi. Ah, bah quand je fais un gâteau, il est tellement raté qu'il peut tuer. Hein. Non, mais là, je rigole pas. 7h18, voici Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. Avant d'écouter Big Flo et Oli, c'est l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France qui est de retour. Et aujourd'hui, Georges appelle quelqu'un pour lui demander des nouvelles. Sauf qu'il ne connaît absolument pas cette personne et que c'est un robot. Et pourtant, la personne lui répond. Allô ? Bonjour. Oui. Alors, pourquoi tu ne m'as pas rappelé ? Pourquoi je te rappelle ? Vous êtes qui ? Tu ne te souviens plus ? Bah non. Vous êtes qui ? On avait pourtant passé un bon moment tous les deux. Bah non, non, non. Tu m'as pourtant dit que j'étais le message automatique de ta vie. Bah non, non, non. J'ai jamais dit ça moi. Bah voilà, il y a peut-être une erreur, mais c'est pas moi en fait. J'ai jamais dit ça moi. Ah, tu n'es pas Michel ? C'est pas moi alors. Tant pis. Tu veux aller boire un verre quand même ? Non, non, non, non, c'est pas moi, je suis marié. Non, non, bah, non, mais j'ai pas besoin d'un verre avec toi. Ah non. Je suis déçue, je pleure, beau boubou. Bah, je suis marié, voilà, tout simplement. On passera un moment incroyable, ça sera notre petit secret. Ah, il faut. D'accord. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Et vous les retrouvez tous en podcast, c'est sur manudansle69.com ou l'application Manu dans le 6-9. Nous ouvrons la hotline qui sert à rien. Vous avez un problème, on ne peut pas le résoudre, vous nous appelez 0870 42 48. Ou hashtag Manu dans le 6-9 sur Twitter. Big Flo et Oli, tu connais non ? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes... Engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Ah, tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, rien. Dit, T'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De toute façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses. La nuit porte conseil. Faut pas que tu penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Bienvenue sur Énergie, il est 7h22, on va écouter Calvin Harris, il y aura aussi Aya Nakamura qui arrive. Et nous allons jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots, ça sera dans une petite vingtaine de minutes, on va vous offrir la console de jeu de votre choix. Ouais. Mais avant ça, attention, vous avez un problème, ouais. Vous êtes sûr qu'on ne peut pas le résoudre, nous ouvrons la hotline qui sert à rien maintenant. 0870 42 48, hashtag menu dans le 6-9 sur Twitter et dans le studio aussi, c'est parti. Yes. C'est la hotline qui sert à rien. Charlène, bonjour. Salut Manu, mon t-shirt rose est éteint à la machine et le t-shirt blanc de mon homme est tout rose. Oh, ouais, ce sont les choses qui arrivent. Merci d'avoir appelé la hotline qui ne sert à rien. Nico, j'ai un truc dans l'œil. Ok. Voilà. Sur Twitter, Florian, la fermeture éclair de mon manteau est coincée. Ah, ouais, ça, ça c'est vraiment chiant. Ouais, on ne peut rien y faire. Caroline, bonjour. L'imprimante du travail ne marche pas. Elle est déprimée. Ok, bah. C'est le concept de l'imprimante au travail. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a toujours d'ailleurs une hotline informatique. C'est pas nous qu'il faut appeler. Ouais. La hotline qui ne sert à rien. On est là pour vous, Glandu. J'ai envie d'un café, mais j'ai qu'un billet de 10. Alors, tu peux toujours courir pour qu'il te fasse la volée. La hotline qui sert à rien, Paulette. J'ai une livraison chez moi à 9h55, mais je pense que j'y serai jamais, quoi. Non, effectivement, tu n'y seras jamais. Lucie sur Twitter. Un voyant chelou vient de s'allumer sur ma voiture. Et ben, on est bien content de pète à côté de toi. Arthur, bonjour. J'ai perdu la page de mon livre. Oh mon dieu, t'as perdu la page. C'est quoi? Moi j'ai perdu tous mes livres. Ludivine, bonjour. Bon, ça a renversé mon vase. C'est le principe des chats, ça renverse les vases. Et ça essaye de dynamiter toute l'humanité. C'est la hotline qui sert à rien, Nico. Mes beaux-parents sont encore chez moi là. Ah. Ça c'est un problème. Ouais. Il y a un moment, tu sais ce que j'en pense. Je le sais. Vanessa, bonjour. Mon vernis des ongles s'écaille. Waouh. Vous me fatiguez. La hotline qui sert à rien. Ahmed sur Twitter, hashtag Manu dans le 6-9. J'ai oublié l'anniversaire de ma copine hier. Aïe aïe aïe. Fin du game, Ahmed. Glandu. J'ai trop chaud avec mon pull et j'ai trop froid quand je l'enlève. Tu t'appelles un casse-couille. Maxime, bonjour. Je suis parti une semaine en formation et j'ai oublié mes caleçons. Ah ouais, et ben, tu ne feras pas ce que tout le monde fait en formation, c'est-à-dire tromper ta femme. Bravo à toi. Et ben, bravo à toi. C'est très bien, Maxime. La hotline qui sert à rien, Isabelle. Faut que j'achète des yaourts. Oh là là. C'est tout? Oui. Ok. Nickel. C'est la hotline qui sert à rien, c'est le concept. Paulette. Impossible de retrouver mes collants à paillettes. Oh. Ah ouais. Isabelle, Paulette. Oui. Vous allez en réunion. Seul. Laurence, bonjour. J'arrête pas de manger du chocolat devant la télé. T'arrêtes pas de manger du chocolat devant la télé? Oui. On ne peut rien faire pour toi. On t'embrasse, Laurence. Axel sur Twitter nous dit je chante faux. Ah oui, alors vraiment on ne peut rien faire. Ouais. C'est la hotline qui sert à rien. Lorraine, bonjour. Salut, il pleut tout ce week-end à Toulouse. Ouais, je suis bien content de pas habiter Toulouse du coup. Léon, bonjour. La touche espace de mon clavier ne fonctionne plus. Ça c'est un problème récurrent, ouais. Effectivement dans les claviers, on ne peut absolument rien y faire, ouais. Léon. Ouais. Mettre des points. Et ben, tu mets 3 points de suspension effectivement à chaque phrase, ça va pas faire chier tout le monde en plus. Merci de nous avoir appelé. C'était la hotline qui sert à rien. Vous avez des problèmes, on ne peut pas les résoudre. Et ben c'est fait pour ça. Georges Ezra sur Énergie. Bon réveil. Homegrown alligators. Ah non, on n'a pas le temps. Oh, oh c'est frustrant. Eh ouais, c'est le principe de l'outline qui sert à rien. Même pour Georges Ezra, on ne peut rien y faire. Ne sois jamais DJ Manu. Hein. Ça risque d'être compliqué, ça. Désolé, celle-là, on peut pas. On va écouter Georges Ezra dans 3 minutes. Manu dans 6-9. Je vous adore, les wawas. On a besoin que vous disiez qu'on est de retour sur Énergie à vos clients ou clientes. Vous êtes encore ouvert là ? Oui, oui, jusqu'à 19h. Est-ce que vous avez un micro ? Oui, j'ai un micro. Vous posez le micro, je veux entendre que ça passe dans le magasin. Vous posez le micro. Mais bien sûr. Oh, génial, Joël. Il n'y a pas de souci. Joël, on t'écoute. Allez, chères clientes, chers clients, écoutez Coé sur Énergie de 17h à 20h. C'est beaucoup plus agréable que le bruit du marteau piqueur. Oh ouais ! C'est Coé, c'est à 17h. C'est sur Énergie. Sur Énergie, découvrez les services d'EDF Entreprise qui simplifient l'activité des pros. Saviez-vous qu'avec les contrats garantis électricité et gaz naturel, EDF Entreprise vous assure des prix fixes jusqu'à 3 ans. Cela vous permet de mieux gérer votre budget et de vous concentrer sur votre activité. Parce que la vie de professionnel est assez compliquée comme ça. Contactez-nous au 3022, service et appel gratuit. Offre de marché réservée aux clients professionnels souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kV-ampères pour l'électricité ou consommant moins de 300 MWh par an de gaz naturel. Voir caractéristiques et prix sur edf.fr/entreprise. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Conforama, le confort pour tous. Encore un bon plan Conforama. Avec la carte Confo Plus, bénéficiez de 50% de remise immédiate sur une sélection de literies. Vous n'avez pas encore la carte ? Demandez-la en magasin ou sur conforama.fr pour en profiter. Conforama, jusqu'au 12 novembre, conditions en magasin et sur conforama.fr. Et si on profitait de 50 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1 ? Moi, chez Orange, pour 9,99€ par mois, j'ai 50 gigas pour jouer à tous mes jeux quand je veux. Et moi, chez Orange, pour 9,99€, j'ai 50 gigas pour mater des vidéos et écouter des podcasts. J'adore ! Ouais, bah, moi j'adore encore plus que toi. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 gigas pour clients open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Jusqu'au 14 novembre, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients conservant le numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr, réseau numéro 1 selon locataire 7 octobre 2018. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous les podcasts Énergie. Énergie, hit music only. Intersport. Quand on lui propose d'aller faire du sport, Lucie répond « Ah, je peux pas, j'ai un rhume. » Mais depuis qu'elle a profité des Sporting Days... Un footing, ok. Avant la gym, après la muscu... Chez Intersport, du 22 au 27 octobre, ce sont les Sporting Days. Grâce à votre carte Intersport, profitez de moins 25% sur les vêtements et les chaussures. C'est 25% de réduction et 100% de sport en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Sporting Days, jour sportif. Les journées exceptionnelles à la Grande Récré, des promos tous les jours. Du 22 au 24 octobre, bénéficiez d'une remise de moins 25% des 50 euros d'achat. C'est fou ! Moins 25% à partir de 50 euros d'achat. La Grande Récré ! Hors livres, jeux vidéo, tablettes et cartes cadeaux. Offre non cumulable, liste des magasins participants sur lagrande-récré.fr. Feu vert sort ses griffes. Jusqu'au 27 octobre, 1 euro les plaquettes de frein Bosch et Valeo First. C'est imbattable. Offre soumise à la pause, voire conditions sur feuvert.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Ah, le patron, ils ont la grosse tête. Lidl, je le savais. Oh mais non, les chrysanthèmes. En ce moment, le grand pot multifleur ou le pot de 5 grosses têtes au choix est à 3,29€. 3,29€ le chrysanthème ? Ah là, on n'a pas de pot. Ah si, en pot de 17 cm et coloris au choix. Je vous en ramène un gros rouge. Gros, rapport à ma grosse tête, c'est ça ? Là, t'es mal, mais alors t'es très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h30 et dans 10 minutes, on vous offre la console de jeu de vos rêves. Celle que vous voulez. Vous nous appelez maintenant au 0 870 42 48. On va jouer au jeu des 5 mots juste après Georges Ezra et les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Attention au brouillard encore ce matin dans la moitié nord. Soyez très prudents sur la route. Le soleil, en tout cas, prendra le relais dans l'après-midi. Du ciel bleu sur les trois quarts de la France aujourd'hui. Seul le nord-est devrait passer les prochaines heures sous les nuages. Pas de pluie en principe. Même tendance pour demain au niveau national. Les températures max, comptez 15 degrés à Sedan, 18 au Mans, jusqu'à 19 pour Albi. Dans le smartphone des ados, le journal Aujourd'hui en France publie ce matin une étude sur les 12-17 ans et leurs portables, indispensables selon eux pour nouer des relations amicales ou amoureuses. 62% y voient un outil incontournable pour entretenir la flamme, certains même pour l'éteindre. 13% ont rompu par écran interposé. Les trottinettes, et notamment électriques, on les voit un petit peu partout sur les trottoirs des grandes villes. Elles sont plutôt bonnes pour l'environnement, c'est vrai, mais elles posent aussi de gros soucis avec une explosion du nombre d'accidents l'an dernier. En 2019, elles seront donc interdites sur les trottoirs. Il faudra rouler sur les pistes cyclables ou encore sur la route dans les zones 30. Le gouvernement a prévu des sanctions. La ministre du Travail a prévenu hier, les entreprises auront désormais 3 ans pour se mettre à niveau. 3 ans pour respecter les règles sur l'égalité des salaires hommes-femmes à partir du moment où elles auront été prises sur le fait. Passé ce délai, elles seront donc punies et ça pourrait coûter très cher pour les boîtes de plus de 50 salariés. Une amende pouvant monter jusqu'à 1% des chiffres d'affaires est prévue. La Ligue des Champions, c'est du foot évidemment. Une affiche de prestige ce soir côté français. Le PSG accueille les Italiens de Naples au Parc des Princes à 21h. Sinon, il y a aussi le déplacement de Monaco à Bruges à 19h. Hier, Lyon a ramené un point d'Allemagne en faisant 3 partout sur la pelouse d'Offenheim. 40 ans et pas une ride, le film d'horreur cultissime Halloween revient au ciné aujourd'hui avec énergie. Pour l'occasion, l'actrice du premier volet, Jamie Lee Curtis, reprend son rôle de Laurie Strode. L'adolescente persécutée est devenue mère de famille. Elle voit le tueur masqué Michael Myers s'évader de son asile. Pour l'actrice, le moment est venu cette fois d'en finir. 40 ans plus tard, mon personnage n'est plus la jeune femme innocente qu'on a connue. Elle est devenue un peu dingue et parano à cause du tueur en série qui sévissait dans le premier volet. Elle a passé toutes ces années à se préparer à son retour. Elle veut se venger, elle attend cette confrontation comme une thérapie pour enfin reprendre le contrôle de sa vie et pouvoir oublier. On s'attend donc à un nouvel affrontement 40 ans après. C'est génial. Voilà pour cette interview signée Bertrand L'Aiguillon. Halloween au ciné aujourd'hui avec énergie. Également en salle, Le Grand Bain, une comédie très attendue avec Guillaume Canet, Benoît Poulvord ou encore Philippe Catherine en futur champion de natation synchronisée. 7h33, c'est la fin de ce flash. On est le mercredi 24 octobre. Vous retrouvez Manu dans le 6-9 sur énergie. Rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Dans 5 minutes, juste après Georges Ezra, on vous offre la console de jeu de votre choix. C'est vous qui choisissez votre cadeau. On va jouer au meilleur jeu radio du monde comme chaque matin. C'est le jeu des 5 mots. Ouais. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9 pendant l'émission, pendant toute la journée. N'hésitez pas, on les écoute. Et on va faire un point maintenant. Hein? On a oublié de faire un point. Et quelqu'un nous le rappelle, écoutez bien. Dites-moi là, j'ai loupé un petit épisode là parce que j'entendais pas votre radio l'autre matin. Je voudrais savoir où vous en êtes de votre dictée là et surtout du livre que vous devez lire. Hein? Parce que j'ai pas suivi là. Et j'en entends plus parler depuis lundi ni depuis vendredi. Il a bien raison. Alors, sur la dictée, on avait dit absolument qu'on allait faire une dictée de façon très sérieuse et qu'on allait voir qui était le meilleur et qui était le moins bon en orthographe. Ouais. Nous avons fait cette dictée vidéo, on vous l'a mise tout à l'heure en début d'émission, elle est sur manudansle69.com et sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi la voir sur l'application manudansle69. Yes. On l'a fait, il y a des corrections, c'est clair, c'est net, on a le classement. On va pas dire qui est le meilleur, qui est le moins bon. Ça on n'est pas comme ça. Non. Une fois que quelqu'un est sous l'eau, ça sert à rien de lui mettre la tête sous l'eau. En plus, elle sait pas bien respirer, Paulette. Alors, non, mais il y a une injustice, mais bon, c'est pas grave. Faites comme vous voulez, je me laisse faire, de toute façon. La vidéo, elle est sur notre page Facebook, vous pouvez y aller. Deuxième point soulevé, l'histoire du livre. Ouais. Il y a 2 semaines, on avait dit tous qu'on allait lire un livre. On avait doublé le salaire, je crois que c'était... Je ne sais plus comment elle s'appelait. Ah oui, si, Ophélie. Ophélie. Oui. Elle était bibliothécaire. On lui avait doublé son salaire un matin à 8h05. Et on lui avait dit, quel est le livre qui peut nous redonner le goût à la lecture? Et elle nous avait sorti Le Papillon des Étoiles de Bernard Werber. Ouais. Nous l'avons acheté, nous avons tous un exemplaire. On avait dit, on a 2 semaines pour le lire. Ouais. 2 semaines, c'est vendredi. Oh là nous là. Sommes aujourd'hui mercredi, il reste 2 jours. Faisons un point rapide. Où vous en êtes du livre, Isabelle? Moi, je suis très très très mal parce que je ne l'ai même pas ouvert. Là, je me sens mal. En même temps, c'est révélateur de ma vie. Je m'occupe de mes 3 enfants, j'ai plein de trucs à faire. Je n'ai pas le temps de lire. C'est vrai que faut que j'arrête de dormir. Non mais Isabelle, ouais. C'est vrai. Tous les gens qui ont des enfants ne lisent pas. Mais comment ils font? Je ne sais pas. Et comment tu fais pour te noyer dans un verre d'eau? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Isabelle. Moi, j'essaye de le lire en 2 jours. Allez. Ah ouais. Ouais, on n'y croit pas. Non, ça va pas trop. Glandu, justement, t'en es où? Bah, moi, je suis en béquille depuis 5 jours. Et du coup, je découvre les joies d'être bloqué chez soi. Et du coup, mine de rien, je suis à la moitié. Ah ouais? Oh, à la moitié, sans page 150. C'est bien alors? Ouais. Ah ouais, c'est génial. Franchement, c'est génial. Bah, je vais pas vous spoiler, mais y a un vaisseau, quoi. Une histoire de vaisseau spatial. Effectivement, une histoire de vaisseau spatial, de gens qui partent dans l'espace à la découverte de quelque chose. Mais vont-ils le trouver? Ah, on ne sait pas. Parce que ce n'est pas qu'une aventure, c'est philosophique aussi. Ah oui, c'est des milliers d'années de. Mais voyage. Manu, tu es en train de le lire? Attendez, je vais vous le dire à la fin. Paulette? Moi, je suis à un peu plus de la moitié. Donc, ouais. Parce qu'avant, j'ai avant la sieste. Ils ont atterri? Ils ont atterri. De quoi? Ouais, elle ment. Non, je mens pas. Je suis un peu plus de la moitié, ils n'ont pas atterri encore. D'accord. Bah non, vous dites n'importe quoi. Bah non, je vous dis que je suis un peu plus là. Pourquoi je mentirais? Bah quoi? Comment ça? Bah dis-nous en plus. Il s'appelle comment le capitaine? Ouais, le capitaine. Bah Kramer? Ah ouais. Ah ouais, c'est bien. Okay. Bah oui. Okay. Non, mais je vous promets que je le lis. Okay. Après, je lis, je retiens pas. Hein. Non. Nico, t'en es où du livre? Au même point qu'Isabelle, ce qui est révélateur de ma vie. Mais c'est normal, t'as 3 enfants. Ouais, non, ça marche pas. Non, j'ai rien à foutre, mais j'ai beaucoup de mal à lire. Bah alors? Bah quoi, Isabelle, toi, me juge pas, s'il te plaît. Après, tu sais peut-être pas où il est le livre, Nico. Peut-être tu l'as égaré. Alors, tu sais quoi, je l'ai donné à ma femme en disant s'il te plaît, est-ce que tu peux le lire? Parce que je dois le lire pendant 2 semaines. Comme au collège. Oh là là. Tu demandes à quelqu'un qui l'a lu de te faire une fiche. Ouais, mais elle veut pas, putain. C'est pas bien, c'est pas bien. Et moi? Ouais. Et ben moi, alors, figurez-vous. Non. Que mon livre, ouais. Il est sous ma table de chevet. Ouais. Tu l'as fini? Je l'ai pas commencé. Ah. Non. Et que là j'ai bluffé là dans tous les trucs. Tu bluffes trop bien, Manu. Ouais, je sais. Ouais, je bluffe trop bien. Je dois faire une émission littéraire sans jamais lire les livres. Ça marcherait. Ah, ouais. Allez, dans 3 minutes, Georges Ezra, il nous reste 2 jours pour le lire. Oh là là. Oh, c'est pas gagné. Non, ça va être compliqué. Ça va être très très très compliqué, j'avoue. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. Get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Bienvenue sur Énergie, 7h40, on va écouter Aya Nakamura dans 2 minutes. Et juste après, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Ah oui. Si vous avez moins de 12 ans, le standard vous est réservé. J'adore ce moment. J'ai une question très simple à vous poser. Ouais. Je finis pas mes phrases. Pour quelle raison vous disputez-vous tout le temps avec votre frère ou votre sœur? 0-870-42-48. Vous nous appelez maintenant et nous allons tenter de résoudre les conflits, mais on n'y arrivera pas. Super. Écoutez, c'est comme ça, depuis que le temps, le monde est monde, les frères et les sœurs s'engueulent. C'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Mais pour quelle raison vous vous disputez tout le temps? Vous nous appelez, on vous prend téléphone dans 5 minutes, juste après Aya Nakamura et le jeu des 5 mots. Oui. Ouais. Attention, Mathias, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Iwanwan. Salut. Vous allez bien? Mais on est bien, nous, Mathias, on est content, on est heureux, on est joyeux. Et quand on est heureux et qu'on est joyeux, qu'est-ce que je fais, Mathias? Bah, je sais pas. Oh non. Tu ne le sais pas. Quand je suis heureux, je fais des claquettes. Ah ouais. Ah bah oui, oui, oui. Mais c'est vrai que ça, mais c'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de claquettes. Pour le plaisir de tous, les bons. Allez, wouh. Voici quelques claquettes. Ouais. C'est magnifique. Et voilà. Magnifique. Champion. Ah, c'est beau. Waouh. Top. Ce que j'aime bien, c'est que vous en faites vraiment pas trop. Ouais, c'est clair. Absolument pas. Mathias, attention, nous allons jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots pour la console de jeu de tes rêves. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? La PS4 Pro direct. La PS4 Pro arrive chez toi très bientôt. Si tu gagnes au jeu les 5 mots, pour t'aider, pour tout faire, pour que tu aies cette console, c'est Paulette qui va sortir. Ouais, j'y vais. Attention. Paulette sort du studio. Les règles, je les rappelle. Paulette est dans le couloir, elle n'entend plus ce qui se passe. Mathias, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, Paulette revient. Je fais exactement pareil avec elle. Et dès que vous avez un mot en commun, c'est gagné. T'es prêt? Yes. Ah, je suis chaud, je suis chaud. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Pâté. Enough. Pâté, enough, ok. Ouais. Temps. Montre. Infirmerie. Médecine. Fraude. Fiscale. Géant. Vert. Je réponds sur les marques. Non mais attends, t'es globalement tes boîtes de conserve toi. Hein, quand même. Un peu, ouais. C'est génial. Géant vert, pâté et naf. Ça monte l'alimentation du gars quoi. Mathias, t'es pas top chef, on est d'accord hein. Ah non, du tout. Ok. Attention, c'est parti. J'aurais dit Cassoulet, il aurait dit William Sorin. Ouais, c'est ça. On fait rentrer tout de suite Paulette. Ah. Un mot en commun, Paulette, avec Mathias, et c'est gagné. Ok. C'est parti. On joue au jeu des 5 mots. Bonne chance. Mm. Pâté. Chat. Alors, Mathias avait dit le mot qui allait évidemment avec pâté, c'était enough. Mmh. Ah, et oui, le pâté. Oui, mais personne n'y avait pensé à part Mathias. Non, j'essayais d'être gentil. Attention, on continue, il reste 4 mots. Temps. Heure. Ah, yeah. C'était pas loin, Mathias avait dit montre. Ouais. Ah, ben oui. Mmh. 3 mots. Mmh. Ça va, Mathias? Ouais, moyen, mais ça va le faire. Parce que je te sentais bien calme. Ouais. On y va. Oui. Infirmerie. Médicaments? Aïe, aïe, aïe. Dommage, encore une fois, c'est à côté, il avait dit médecine. Oh. Allez, il reste deux mots. Allez. On y croit. Fraude. Fiscale. Et... Oh yeah. Je suis trop contente. Wow. Yes, super tonne. Pour le plaisir, le dernier mot. Ah. Géant. Vert. Oh, oh wow. C'est génial. L'émission conserve. On est bien. Deux mots en commun, il suffit d'un pour gagner. Mathias, la PS4 Pro de tes rêves, elle arrive très vite pour toi. Bravo à toi. Merci beaucoup. Belle journée, 7h44. Le jeu des 5 mois revient évidemment demain à la même heure. Et on vous offrira encore la console de jeu de votre choix. Dans 3 minutes, si vous avez moins de 12 ans, on vous prend au téléphone parce que c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Pour quelle raison vous vous disputez tout le temps avec votre frère ou votre sœur? Vous nous expliquez ça dans 3 minutes sur Énergie. Bon réveil. Hello papi, mais qui baza? J'entends des bails atroces en moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Je te fais pas la Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en cas d'un baby, tu dettes ça. Y'a pas moyen, dja dja. Tu pas ta gata, dja dja. Genre, en cas de t'en a baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Tu pas ta gata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En cas de t'en a baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Tu pas ta gata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En cas de t'en a baby, tu dettes ça. D'après toi. En cas de t'en a baby, tu dettes ça. On got on a baby, to the top. On got on a baby. Oh, cha cha. Oh, cha cha. Bon réveil sur Énergie, il est 7h47. On va écouter les Maroon 5, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Et avant ça, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Vous avez moins de 12 ans, le standard est là pour vous. Comme chaque mercredi, j'ai une question. Pour quelle raison est-ce que vous vous disputez tout le temps avec votre frère ou avec votre sœur? Ouais. Rita, bonjour. Oula, Rita. Oui. Bonjour à toi Rita, ça va? Bonjour, salut Manu. Ça va bien? Salut les wouah. Salut. Salut. Rita, t'as quel âge? 9 ans. Ah, tu as 9 ans. Tu as une petite frère, un petit frère, une petite sœur, une... J'ai une petite sœur et un grand frère. Et avec qui tu disputes le plus? Mon grand frère. Ah, il a quel âge? Il a 10 ans. Oula, c'est quasiment le même âge que toi, alors, ouais. Du coup. Ouais. Ah, et vous disputez pourquoi? Ben, quand il va aux toilettes, je repasse derrière et il a toujours pas tiré la chasse d'eau et ça sent vraiment, vraiment pas bon. Oh. Ah, mais il tire jamais la chasse d'eau? Oui. Mais tu lui as demandé pourquoi? Non. Ah, il faut peut-être lui demander pourquoi, peut-être qu'il a peur. Ouais. Il a peur de l'eau, il a peur que de tomber dedans. Non, mais c'est vrai, c'est peut-être un acte purement écologique, hein, aussi. Hein. Ah, ça, ben non, c'est l'écologie de flemme, là. Hein, ouais. J'ai essayé de le sauver. Rita, ça te fait rire si je dis qu'il a peur de tirer la chasse d'eau? Hein? Ça te fait rire quand je dis qu'il a peut-être peur de tirer la chasse d'eau? Oui. Tu sais quoi, Rita, je vais dire un truc. Quand j'avais ton âge, j'avais peur de tirer la chasse d'eau. Mais je vous l'ai déjà dit que j'avais peur de tomber dans les toilettes. Ah ouais, c'est vrai. J'avais vraiment, j'avais peur ça va mieux depuis 15 jours, hein, pas plus. Ouais. Non mais vraiment, j'avais peur de ça. Donc j'osais pas tirer la chasse d'eau, je pensais que ça allait m'aspirer et tout. Ouais. Vraiment, j'étais pas bien. Je me rappelle, là j'ai des scènes de moi quand j'avais 6 ans, de flash, où je suis posé dessus et je suis pas à l'aise. Oh. Je vous le dis. Enfin, pourtant, il y a jamais eu de fait divers quoi, avec un enfant tu vois, qui aspirait. Bah oui, bah, tu sais quoi, avant que la navette explose, il n'y en avait pas eu. Hein, donc c'est bon quoi. Ouais. Rita, parle à ton frère. Ouais. Merci de nous avoir appelé. On t'embrasse fort, Rita. Au revoir. Gros bisous. Caïs, bonjour. Caïs, une fois. Caïs, deux fois. Caïs, trois fois. Caïs, quatre fois. Caïs, cinq fois. Oh, c'est possible que Caïs ne réponde pas quatre fois, mais cinq fois. Ouais. Caïs, six fois. Allô? Génial. Alors maintenant, il ne va pas répondre avant trois questions. Caïs, ça va Caïs? Oui. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous entendais pas? Non, j'ai mis le silencieux, sans faire exprès. Ah oui, Caïs. Avec la joue. Effectivement, oui, bah t'as la joue collée contre le téléphone, et tu parles, tu comprends pas pourquoi on t'appelle pas, et à un moment tu fais, ah ouais, putain, je suis... Okay. Caïs, t'as quel âge? 10 ans. Tu te disputes avec qui? Ta sœur, ton frère? Ma sœur. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. Ah, elle est plus petite que toi. Mm. Et qu'est-ce qui se passe entre vous? Bah en fait, à chaque fois que je joue, elle joue avec moi et elle range jamais les affaires. Et un jour, ma mère, elle jouait avec mes Lego et ma mère, elle a marché dessus. Elle a marché dessus et je me suis fait gronder. Alors, il faut savoir que les Lego, c'est une arme de destruction massive. Hein. Non, mais attends, tu marches pieds nus sur des Lego, mais quelle douleur. Je pense que le mec qui a inventé les Lego, au départ, c'était pour l'armée. Hein. Non, vraiment, c'est OK, ils arrivent, mettez des Lego partout. C'est pour ça qu'ils ont des grosses chaussures, les mecs de l'armée. Ouais. Les Rangers, c'est parce qu'avec ça, ils peuvent marcher sur les Lego. Bien sûr, au départ, ils étaient pieds nus, hein, comme tout le monde. Caïs, elle ne range pas tes affaires, ta petite sœur de 5 ans. Mais ouais, mais Caïs, tu sais, c'est à toi de lui expliquer aussi, c'est toi le plus grand. Donc en fait, tu peux lui montrer comment on range, vous rangez ensemble et hop hop hop, tout est nickel et maman est contente. Mais pourquoi tu vas ranger alors que c'est elle qui a sorti les Lego? Mais oui, mais parce qu'il est le plus grand, donc il doit lui montrer l'exemple. Les plus grands doivent ranger pour les plus petits. Oh là leur montrer pour leur apprendre. Et bah t'as qu'à ranger le bureau pour tout le monde, toi. Caïs, lâche rien, tu mets Lego dans son lit. Tu vois, elle va mal dormir. J'ai déjà fait ça. Je rigolais. Moi je rigolais. Ah non. C'était une vanne, Caïs. Merci de nous avoir appelés, on t'embrasse. Belle journée à toi. Au revoir. Ciao. 7h51, Maroon 5 avec Cardi B sur NRJ. On double votre salaire à 8h05. Bon réveil, merci d'être là et de nous avoir choisi. On démarre la journée ensemble sur NRJ. You spent the weekend getting even, oh. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like. Maybe you're 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Là, c'est fini. Non, à la fin, on croit que c'est fini, mais c'est pas fini. Mais là, c'est fini pour le moment. Pardon. Il est 7h55. On va s'écouter Kenji. Il y aura aussi Alvaro Soler. Et dans 10 minutes, pile à 8h05, on double votre salaire. Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est le jour des sorties ciné. Ouais. Il y a le nouveau Disney. C'est Jean-Christophe et Winnie. C'est pas une vanne. C'est le nouveau Disney. Ça s'appelle Jean-Christophe et Winnie. C'est avec Evan McGregor. Et c'est pas un dessin animé. C'est un film. Un film live, quoi, un film sur Winnie l'ourson. Ouais. Oui, mais l'ourson, c'est pas un vrai ours. C'est des images de synthèse. Non, c'est un vrai ours. Un ourson. C'est un vrai ours qu'ils ont dompté, mais il y a eu 16 000 morts sur le tournage. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit un vrai ours. Ouais. Non. Après, Winnie l'ourson, c'est un ours, mais qui est chelou. C'est un ourson déjà. Il met un t-shirt en haut et rien en bas quand même.

Sur Énergie, découvrez les services d'EDF Entreprise qui simplifient l'activité des pros. Désormais, pour bénéficier d'offres de fourniture d'énergie adaptées à la consommation de votre entreprise ou simplement poser toutes les questions liées à la performance énergétique de votre activité, vous pouvez contacter EDF Entreprise au 3022. Nos conseillers sont à votre écoute, alors n'hésitez pas, un seul numéro, le 3022. Service et appel gratuit. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h01, on va doubler votre salaire dans 4 minutes. Bienvenue. Energy. Chante, petit coq. Dans 10 minutes, je vous annonce les meilleurs concons du jour depuis la création des concons cette année. Wow. Ouais. Meilleur concon du jour ever. Ouais. Wow. Incroyable. Trois histoires, j'ai l'impression que quelqu'un a pondu spécialement des concons pour nous. C'est fou. Ça arrive après Kenji, on va doubler votre salaire et les infos, c'est maintenant. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. On retrouve du brouillard encore ce matin sur une bonne partie de la moitié nord. Ça devrait en tout cas se dissiper avec l'arrivée du soleil assez rapidement. Belle journée en vue pour la majorité des régions. Selon mon tableau, il en faut bien une. Le quart nord-est qui aura droit à de gros nuages. En principe, pas de pluie annoncée pour le moment. Demain, ce sera globalement la même chose. Les températures cet après-midi, 14 degrés à Belfort, 19 à Bergerac, jusqu'à 22 pour Fayence. Vous êtes tout juste majeur. Vous faites donc partie de ce que l'on appelle les centennials, les Français nés autour de l'an 2000. Une étude s'intéresse à vos habitudes sur smartphone. Un sondé sur trois parmi vous reconnaît qu'il passe trop de temps sur son téléphone portable, près de 2h30 en moyenne chaque jour. En majorité, vous ne supportez pas la pub et vous préférez Snapchat à Messenger et Twitter. Le service national universel, une période pendant laquelle les jeunes Français devront sortir de leur cocon pour aller à la rencontre d'associations ou tout simplement vivre une aventure collective. La promesse du candidat Macron est en train de se concrétiser. Le dispositif devrait être opérationnel en 2019. Il sera réservé aux 16-25 qui sont donc appelés à donner leur avis dans une grande consultation organisée sur internet jusqu'à vendredi. Rendez-vous sur le site de l'Éducation nationale. On en voit partout, à tel point que le gouvernement a promis hier de faire une nouvelle loi sur l'utilisation des trottinettes électriques. Si vous en avez une, sachez que vous serez bientôt interdit de trottoir. D'ici un an en principe, il faudra donc rouler sur les pistes cyclables ou sur la route dans les zones 30. Le nombre d'accidents a explosé en France ces derniers mois. Encore un match de fou pour l'OL. Lyon a ramené un point d'Allemagne hier soir en Ligue des Champions. Trois partout sur le terrain d'Offenheim. C'est pas si mal après avoir été mené. Manchester City prend donc la première place de la poule devant les Lyonnais. Ce soir, on suivra particulièrement les rencontres Bruges-Monaco à 19h et surtout PSG-Naples à 21h. L'agenda concert énergie, Pink sera en France le 3 juillet pour un show événement à la Paris Défense Arena. C'est la nouvelle salle de 40 000 places tout près de la capitale. La billetterie ouvre ce matin à 10h précise. Pink est nommée cette année aux Energy Music Awards dans la catégorie artiste féminine internationale. Comme d'habitude, les votes, ça se passe sur le site officiel energy.fr. On termine avec les sorties ciné du jour. On a une comédie très attendue tout d'abord. Le Grand Bain, c'est le nouveau film réalisé par Gilles Lelouch. 8 hommes plutôt en difficulté dans la vie se lancent un défi complètement fou, celui de se mettre à la natation synchronisée. Guillaume Canet, Mathieu Amalric ou encore Benoît Poulvorde au casting. Sinon, Halloween, c'est le film d'horreur énergie de la semaine. Jamie Lee Curtis reprend son rôle 40 ans après le premier épisode. 8h04, c'est la fin de ce flash. Très bon réveil, très bonne matinée sur énergie. Comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-9 à cette heure-ci. Nous, on se retrouve dans une toute petite demi-heure pour faire un nouveau point complet sur l'actu. On parlera notamment de la météo et de cette belle journée qui nous attend. Bonne journée, justement. Se disait bonjour de cette façon aujourd'hui, est-ce que le monde n'irait pas mieux? Bah oui. Et bonjour. À l'Assemblée nationale, quoi. Bah oui. Tous en cœur. Le mec qui prend. J'ai une question pour le gouvernement. Et bonjour. Ça détendrait l'atmosphère. Bah oui, ouais. Alors, c'est la seule fois que je sais faire. Hein. Et bonjour. Ouais. C'est pour ça qu'il a fait tout le temps. C'est vrai. On est avec vous pour démarrer la journée comme chaque jour. Soyez les bienvenus. C'est mercredi. On va avoir les concours du jour dans 3 minutes. Attention. Des concours du jour de haute volée. J'ai l'impression que quelqu'un qui nous écoute veut le bien du monde en créant des concours. Incroyable. Trois histoires de concons surréalistes aujourd'hui, peut-être les meilleures depuis le début de l'année. Ouais. Ce sera juste après Kenji et avant ça, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire, je vous le rappelle, et c'est gratuit. Pas de numéro surtaxé, pas de SMS surtaxé. C'est gratuit, ça se passe sur énergie.fr ou sur manudansle69.com. Et vous arrivez là, hop, attention, comme Louis de l'Île-Dieu. C'est en Vendée, il a 28 ans, il touche 1440 euros chaque mois. On t'appelle Louis pour te doubler ton salaire maintenant. Parce que oui, tu t'es inscrit. Parce que oui, tu as pris ta chance. Parce que oui, tu t'es peut-être dit que tu avais une chance sur 100 000, 200 000, 1 million. Tu as pris cette chance. Louis, tu vas en être récompensé maintenant. Allô ? C'est Louis ? Oui. Louis de l'Île-Dieu ? Oui. C'est beaucoup, ça fait beaucoup de oui dans toute cette phrase. On va faire plus simple, on va dire Louis de Montpellier. Alors, Louis de l'Île-Dieu en Vendée, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Mais oui. Ah, c'est mortel. Bah, alors pas exactement, parce que si c'était mortel, tu mourrais, ce serait dommage. Louis, je vais doubler ton salaire, 1440 euros, c'est ce que tu touches chaque mois, c'est pas assez, ouais, je le double, ça fait 2880 euros pour toi, bim, hop là. Ah, trop bien, merci beaucoup, c'est cool. Alors, avant de parler de ton travail, j'ai une question toute con. L'Île-Dieu, ouais, c'est une île ? Oui, exactement, okay. Une vraie. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de pont. Non, parce que l'île de France, par exemple, c'est pas une île. Ah non. Donc ah bah je me demandais si l'île-dieu, c'était une ville qui s'appelait comme ça ou pas. Du coup, tu travailles sur place, tu prends pas le bateau le matin. Non, je prends pas le bateau, ah ouais. Mais là, par contre, là, ce matin, je viens de sortir du bateau, là, par exemple. Ah ouais. Okay. Alors, je comprends pas. Je suis sur le continent. Là, t'es sur le continent, d'accord. Mais tu travailles à l'île-dieu. Il y a beaucoup de monde à l'île-dieu ? Ouais, bah l'hiver, pas trop, on n'est pas beaucoup, mais après l'été, ouais, on multiplie, on est pas loin de 50 000 l'été. Ah ouais. Ouais. Et l'hiver, on est deux. Il y a même pas de vache. Alors, attention, tu es barman en discothèque. Ouais, je suis barman à la discothèque de l'Île-Dieu. Il y en a qu'une ? Ouais, il y en a qu'une. C'est génial. Regarde, attends. T'es sur une île, t'ouvres une discothèque. C'est-à-dire que tu peux faire la pire discothèque du monde, les gens sont niqués, ils vont aller que là. C'est ça. Mais tu peux mettre un prix de fou furieux, c'est pas grave. Ouais, mais tu te fais recaler de la discothèque, t'es dans la merde, quoi. Ah oui, tu peux plus aller nulle part. Ah bah, si t'es cramé à la boîte, si t'as fait si ça causait des problèmes et que t'es viré de la boîte, tu n'iras plus que tu. Ah oui. Tu te fais cramer au mois de juillet, début juillet, tu te fais cramer, c'est jusqu'à la fin du mois d'août, donc comme ça, t'es pas embêté, quoi. C'est compliqué. C'est ouvert que l'été ? Non, c'est ouvert le week-end pendant hors saison. D'accord. Et quand c'est hors saison, tu continues à bosser là-bas ou tu fais d'autres trucs ? Là, je vais finir à la fin du mois. Là, en général, tu sais, on fait des saisons de 6 mois, 7 mois, pas beaucoup plus. Mmh. D'accord. Et après, pendant 5 mois, tu te reposes, quoi. Bah, en fait, il y a une radio aussi sur l'île et du coup, je suis bénévole à la radio. Je suis le vice-président de cette radio. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais à la radio ? Bah, je faisais la matinale. Waouh! C'est cool! Tu es en train de payer donc le salaire d'un concurrent, on est d'accord? Vous voyez jusqu'où ma générosité va? Ah ouais, bravo, Manu. Franchement, c'est quoi? Je suis en train de me mutiler. Ouais. On te double ton salaire, Louis. 2880 euros. Bravo à toi. Et tu sais quoi, plus il y a de monde qui fait de la radio, plus la radio se porte bien. Ouais. Bravo à toi. Ouais, merci beaucoup, les gars, c'est cool. 2880 euros, on te souhaite une belle journée. Merci d'être là chaque matin avec nous. Aussi. Sauf les matins, évidemment, où tu bosses. Du coup. Ouais, vous venez quand vous voulez sur l'île pour faire un tour à la boîte. Carrément. Faut pas nous chauffer. Faut pas nous chauffer. Paulette est déjà en train de regarder combien coûtent les alcools. Doucement. Belle journée à toi, Louis. Bravo. À vous aussi. À bientôt. 8h09, Kenji sur Énergie. Juste après, les concours du jour sont de retour. Bon réveil sur Énergie. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges. Ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. temps qu'on passe à pleurer sans mon sel dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête, oh, pour oublier, pour oublier, oui, pour oublier, pour oublier. Bienvenue sur Énergie, on va écouter Alvaro Soler. On l'écoute depuis l'été ce titre. Hein. Ouais. Il peut nous faire la saison. Ouais. Ça arrive pour vous dans 3 minutes, mais avant ça, attention. Voici les concons du jour. C'est comme si c'était un best-of aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Tellement ils sont incroyables. Voici 3 histoires de gens improbables qui font des choses improbables. Je pense que c'est les plus gros concours qu'on ait eu depuis le début de l'année. Ouais. Vous en avez peut-être entendu parler de cette histoire parce qu'elle a fait le tour depuis hier. En Belgique, à Charleroi, un vendeur de cigarettes électroniques voit arriver en plein après-midi 6 braqueurs qui lui réclament la caisse. Ouais. Il est 13h. Et là, le vendeur, tente un coup de poker improbable. Il leur dit: revenez me braquer ce soir, j'aurai plus d'argent. Ouais. Les 6 braqueurs disent: ok, t'as raison. Non. Et ils s'en vont. Et ils reviennent. C'est ouf. À 17h30. Et non. Ah. Vous nous avez dit que vous auriez plus d'argent. Et là, ouais, le mec retente un nouveau coup de poker. Il leur dit: non, je vous avais dit 18h30. Revenez à 18h30. C'est-à-dire qu'il les prend vraiment pour des ouin-ouin. Ouais. Et les mecs disent: ok, pardon, on revient dans une heure. Ouais. Mais non. Entre temps, qu'est-ce qu'il fait le vendeur? Il appelle la police. Ouais. Pour leur dire: j'ai des ouin-ouin braqueurs, faudrait bien les arrêter, ils vont revenir dans une heure. Génial. Ouais. La police au départ le croit pas. Ouais. Mais ils se déplacent quand même. Ouais. Et à 18h, qui c'est qui donc qui vient dans le magasin? Les 6 braqueurs. Oh là là. Génial. Wow. Évidemment, ils sont arrêtés par la police. Ah ouais. Et le vendeur, il a dû capter qu'ils étaient cons, en fait, parce qu'ils devaient baver ou je sais pas, ils devaient avoir un truc. C'est vrai que quand on bave, on... Ouais, ouais, ouais. Alors, Paulette. Alors, note à tout le monde que Paulette ne travaille jamais dans une au SAMU, par exemple. Ouais. Parce que non, mais quelqu'un qui bave, c'est quelqu'un qui, par exemple, peut avoir une grave crise d'épilepsie. Oui, ouais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Et Paulette au SAMU. Oh, c'est vrai, il est concon. Non. C'est ça, il revient dans 2 heures. Il est con, lui. Oh. Grand-papa qui bave. Non, là, c'est vraiment... C'est, hein. Alors, lui, vraiment, c'est un concon. Hein. Non, là, il fait une crise, il y a son cœur qui ne bat plus. Hein. Ouais. Je les connais, les concons. Merci Paulette. On va passer à une deuxième histoire. C'est pas facile, hein, de travailler avec vous des fois. À Montpellier, un homme a trouvé l'astuce pour éviter les bouchons: rouler très vite avec, sur le toit de sa voiture, un gyrophare et une sirène allumée. Aïe. En se faisant passer évidemment donc pour la police. Aïe, aïe. L'astuce a duré 10 minutes parce que dans la circulation, bah, y avait la police qui l'a arrêté. Alors petit plus, l'homme roulait sans permis, il était bourré, il avait déjà été arrêté pour les mêmes faits. Oh le cul. Pas vrai. Eh ben si, c'est vrai. Ouais. Alors bourré, tout ça, c'est de la merde. Le coup du gyrophare, ouais. Honnêtement, il a fait ce qu'on a tous rêvé de faire un jour. En se disant: j'achète un gyrophare, je me fais passer pour la police, je vais rouler beaucoup plus vite. Et grâce à lui, maintenant, on sait que cette idée, c'est de la merde. Exactement. Dernier concours du jour, ça se passe en Bretagne. 2 surfeurs se dirigent vers la plage et d'un coup, ils entendent passer près d'eux des balles. Ouais. Des balles de fusil. Du coup, ils se jettent à terre. Et en fait, c'était quoi? C'était des chasseurs. Les chasseurs ont été arrêtés, ils ont été interrogés, et quand ils leur ont demandé « Mais pourquoi vous avez tiré sur les surfeurs ?» Écoutez bien ce qu'ont dit les chasseurs. « Nous n'avions pas vu que c'était les surfeurs, nous avons cru que c'était les faisans. » Mais non. Quoi? Donc pour eux, un faisan, c'est un petit volatile qui, le week-end, fait du surf. Ouais, c'est ça. Ça marche. Ah, merci. Allez, on revient tout de suite. On va s'écouter Alvaro Soler, c'est juste après ça. Manu dans 6-9. Heureusement, il y a Manu. Manu dans 6-9 sur Énergie. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. Ariel Dombal. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Ariel Dombal. Elle nous avait fait rêver à Danse avec les stars. Ah ouais, ouais, super. Alors attention, j'ai une info sur Ariel Dombal. Mmh. Elle a révélé son astuce quand elle était plus jeune pour ne pas payer ses amendes de stationnement. Ah. Oh. Alors elle a dit, quand je recevais le petit papier rose, je le renvoyais en marquant « décédé ». Mais non, ça a marché ? Mais c'est pas bien. Alors, elle explique que ça a marché un moment, mais elle a été rattrapée. Quand elle a été rattrapée, ça a été très très compliqué avec les majorations, etc. Ah bah oui, ouais. Et apparemment, elle a vécu l'enfer. Oh là là. Et du coup, désormais, elle explique qu'elle se déplace en voiture avec chauffeur. Comme tout le monde. 8h20, dans 3 minutes, on va lire les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et on va écouter les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico qui s'en occupe. Attention, là, on a une mutante qui nous a envoyé un message vocal. Une X-Men. Oh, j'espère que c'est celle qui lance des éclairs. Pardon, excusez-moi. Ça va aller. Oui, en ce moment, ma vie est pas ouf. Ouais. Ce sera juste après Alvaro Soler. Soyez les bienvenus, les 8h20, c'est Manu dans le 6-9. Et on est là tous ensemble pour démarrer la journée sur Énergie. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura. Bienvenue sur Énergie, les 8h23. On va écouter Kaigo, ça arrive pour vous. Mais avant ça, on écoute les messages que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9 et on lit les messages que vous nous envoyez sur nos réseaux sociaux. C'est Nico qui lit tout, qui écoute tout et qui partage tout avec nous. Hier, on a démarré l'émission en complétant cette phrase. C'est toujours quand ? Par exemple, c'est toujours quand je suis sous la douche que le livreur sonne pour me donner mon colis. Toujours. Il faut savoir que les livreurs, ils attendent que vous soyez sous la douche. C'est ça. Bien sûr. Bien évidemment, ils ont des caméras mises partout. Mais évidemment, UPS, c'est des voyeurs. Bien sûr. Il y a quelque part, je sais pas où, un quartier général où ils ont toutes les caméras chez tous les gens. Ils regardent et ils disent, ok Bernard, vas-y déposer le colis. Sonne, sonne, sonne, elle va sous la douche. Évidemment. Manu. Ok. Mais Big Brother. Calme-toi. Mais bien sûr. Bon. C'est pour ça que je vis dans une grotte. Là où aucun signal ne peut passer. Ok. Sinon, je peux y aller. Oui, rapidement. Sur Facebook, il y a Justine qui dit c'est toujours quand tu flashes sur un vêtement qu'il n'est pas en solde. Toujours. Et que tu l'achètes. Ah ouais. Non, c'est moi, je m'arrête là. David, c'est toujours quand je me dis ce soir je me couche tôt que je me couche tard. Ah mais oui. Ça marche. C'est pareil pour le réveil. Hein. Demain je me lève tôt et tu te lèves tard. Jeff sur Twitter, c'est toujours quand t'es bien installé dans le canapé que la télécommande est loin. Systématiquement. Ouais, je me demande si c'est pas le mec qui est venu livrer le colis qui a déplacé la télécommande d'ailleurs. C'est peut-être ça. Célia aussi sur Facebook, c'est toujours quand tu vas partir que ton chat demande de sortir. Ouais. Parce que ton chat veut ta mort, hein. c'est simple. Ça. Hein. C'est ça. Évidemment. Mais non, c'est parce que tu pars, du coup, il veut partir, il veut faire la même chose que toi, c'est du mimétisme amoureux. Non. C'est tu veux partir, t'es pressé, il le voit, il s'enfuit. Ouais, il sait. C'est dingue. Bien sûr. C'est dingue. Et un petit dernier, c'est toujours quand, Romain, sur Facebook, c'est toujours quand t'es en couple que tu te fais draguer en boîte. Ah, mais ouais. C'est tellement un truc de mec, le cri du cœur. Et c'est quoi, on n'est jamais content de ce qu'on a. C'est ça, c'est ça. Quand on est en couple, on se dit oh, c'est trop con, je me ferais draguer. Et quand t'es tout seul, t'es oh, c'est trop con, je serais bien en couple. Ah, le monde est dur. Bon, vous nous avez appelé hier aussi pour nous raconter ce que vous aviez de spécial. Et alors, attention, ce message sur notre application, c'est du lourd. Salut les ouinouins, salut à tous. Moi, j'ai aussi quelque chose de spécial. Attention les yeux, j'ai les organes inversés.

juste après Kaigo et Imagine Dragons. Je vais vous apprendre dans les sondages du matin comment avoir 300% de chance de plus d'avoir vos posts likés sur les réseaux sociaux. C'est énorme, ton truc là. Alors attention, je vous apprends ça. J'avoue que ça me déplaît. Mais c'est comme ça. Ah, ça te déplaît? Oui, ça me déplaît. Ah, ok. Mais pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi dans les sondages du matin, c'est dans 3 minutes. Ah, Kaigo et Imagine Dragons, ça arrive. Avant ça, j'ai une question pour Isabelle et Paulette et pour toutes les femmes. Ok. Mm-hmm. Alors, même si la réponse me fait déjà rire concernant Paulette, est-ce que vous vous sentez parfois débordée? Ah bah moi tout le temps débordée. Bah Isabelle, oui, ok. Ouais. Moi oui, mais bon, je me dis détends-toi, tu vois, à un moment. Te laisse pas dépasser par le stress, ça sert à rien. Alors Paulette, je vais te dire un truc, ça marche du feu de Dieu. Ouais. Tu n'es jamais dépassé par le stress. Mais alors jamais. Il faudrait parfois hein, un petit peu. Ouais. Effectivement, donc quand on t'attend depuis une heure à manger au resto, peut-être qu'un petit coup de stress. Ouais. Et ça m'avancerait à quoi? J'arriverai en panique, je ne serai pas agréable. Oh non, moi j'arrive, je m'assois et tout de suite, un moment de bonheur. Ah non, non, il faut que tu saches que quand t'arrives une heure en retard, on te déteste. Hein. Mais ouais, oui, ouais. Oui, mais moi je vous aime encore. Ouais, mais nous le coup de stress, on l'a quoi. Bah t'attends tout le temps parce que t'es pas parti à l'heure comme d'hab. Eh ben faites du yoga. Mais tu sais que là on te déteste encore plus. On réponse à tout. Moi vous êtes stressée. Moi je t'admire Paulette et en fait c'est mon modèle. J'aimerais être comme elle et arrêter de stresser, de me sentir tout le temps. Mais attends. Mais non mais si tu vois, imagine un monde avec. Imagine un monde de Paulette. Mais ouais. Alors bah, mais le film d'horreur. Mais ouais. L'escape game de la mort. Et Walking Dead avec que les Paulettes. Les mecs qui se baladent et dans un monde tout le monde a switché, tout le monde est devenu Paulette. Excusez-moi, le train arrive à quelle heure? Oui, je sais pas. C'est pas très grave. J'ai un rendez-vous très important. Madame, alors comment s'est passée l'opération de ma grand-mère? Ah oui, j'ai oublié. Un monde rempli de Paulettes. Ah mais ouais. Mon Dieu, ce serait horrible. Mais donc l'info. Alors l'info quand même. Est-ce que vous vous sentez parfois débordé? Eh bien, selon une nouvelle étude britannique, les femmes déclarent rêver d'avoir des journées de 28 heures pour faire tout ce qu'elles ont à faire. Mais tellement, mais c'est tellement vrai cette info. C'est la plus vraie info depuis le début de l'année. Tiens, j'ai l'impression qu'Isabelle s'est réveillée. Alors, les femmes, pour être très précis, rêvent d'avoir 3h36 en moyenne en plus pour maintenir leur vie sociale, personnelle et leur carrière au beau fixe. Ah ouais. Voilà. Mais tu vois, moi hier, je suis restée une heure avec une copine à boire un verre. On avait vraiment besoin de 2 heures. Je les ai pas prises. Ah oui. D'accord. Ok. Donc toi, la vie personnelle, la vie sociale, pour la carrière au beau fixe. Non. Ça marche. En fait, Paulette, au niveau boulot, elle est en éclipse. C'est pas le beau fixe. Ouais. Oh non. Bon, 8h38 dans 3 minutes, c'est les sondages du matin. Juste après Kaigo et Imagine Dragons sur LRJ. Sabine, soyez les bienvenus sur Énergie. On va écouter Vita avec Slimane. Ça arrive pour vous dans 3 minutes sur Énergie. Et juste avant ça, comme chaque jour, voici les sondages du matin. Oui. Avant de se peser, 17% des femmes le font en étant persuadées qu'elles seront plus légères ensuite. Avant de se peser, 17% des femmes le font. Isabelle. Elle mange juste une petite soupe la veille. Très non, légère. Non, ouais. Juste avant de ouais, se peser. Mais, ouais, d'accord. Pardon. Pourquoi parfois vous n'écoutez pas ce que je dis? C'est juste avant de se peser, ok. Paulette. Elles rentrent le ventre. Non, c'est pas ça. C'est un truc qu'elles enlèvent de leur corps. On peut dire ça. Elles vont aux toilettes. Elles font pipi. Ah non. Bah oui, oui. 17% des femmes le font en étant persuadées qu'elles seront plus légères ensuite. Pipi. Ça t'a jamais fait perdre 3 kilos hein, de faire non. pipi. Non. Ça dépend si t'as bu effectivement la veille deux arrosoirs. Si vous postez ça en photo sur Instagram, vous avez 300% de chances supplémentaires d'être liké. Si vous postez quoi? Tu nous as dit tout à l'heure que t'étais pas fan, donc est-ce que ce ne serait pas les pieds? Non, c'est pas les pieds. Non. Un bébé? C'est pas un bébé. Toi en train de danser? Non, non, non, c'est pas soi-même. Mais non. Ah. Un animal? Un chat? Un chat. Oh non. Ah bah oui, tu as des likes avec un chat. Ah non, les gars. C'est incroyable, mais sur Instagram, si vous postez une photo d'un chat, vous avez 300% de chances supplémentaires d'être liké. C'est un peu vexant. Toi, 4 likes, le chat des centaines. Prends ça dans la face quand même. Hein. Un homme en moyenne en a 12, une femme 27. De quoi donc que c'est? Des ex? Oh non. Genre, je sais pas. Non, non, non, non. Des orgasmes trimestriels? Ouais. Non, parce que je me disais sur 3 mois, j'essaie de. Alors attends, faudrait qu'on calcule. Paulette, écoute-moi. Non, sur 3 mois, je me dis l'homme en a 12, la femme 27. Mais comment? Non, l'homme en a plus. Mais comment tu peux te dire. Le sondage, un homme en moyenne 12, une femme 27. Tu crois vraiment qu'un mec il s'est dit, on va faire une étude sur les orgasmes trimestriels? C'est vraiment ça que tu veux dans ta tête, c'est ça? Bah, je me dis qu'on fait des études sur tout, donc voilà. D'accord. Mais on sait peut-être que Paulette, du coup, a un tableau Excel chez elle. Avec orgasme, mardi. Ça y est. Okay. Et elle fait des petites croix. Ouais, c'est ça. Et en ce moment, il n'y a pas grand-chose dans les colonnes. Je te le fais pas dire. T'inquiète pas, j'ai les mêmes colonnes que toi. Oh. C'est un objet ou un concept? C'est un objet. Ah. Un homme en a en moyenne 12, une femme 27, des paires de chaussures. Ah bah oui. Bah ouais. Ouais. Mais ça fait beaucoup. C'est... Hein. Attends, moi, c'est l'inverse. Quoi. J'ai plus de paires de chaussures que ma femme. Ouais, moi, mon mec aussi, pareil, comme toi. Ah ouais? Il en a plein, plein, plein. C'est dingue. C'est pas juste. Vous êtes les deux exceptions qui confirment la règle. Voilà. Les chaussures. Est-ce que vraiment on va avoir une discussion sur les chaussures? Ouais, je suis pas sûr. Non, je suis sûr que non. Non, non, je... Tant que l'émission se rappelle Manu dans le 6-9 et pas Isa dans le 6-9, je t'assure que non. Ok, Manu, comme tu veux. Mais en revanche, il y a un studio là-bas, si tu veux faire une petite émission. Et là, tu pourras parler de chaussures, mais alors comme tu veux. Oh là là là là, tu seras tellement bien. Paulette, tu veux la rejoindre? Oui, mais on sera en direct. Allez-y. On sera en direct? On sera en direct, mais vous ne serez pas diffusé. Vraiment. Mais faites-vous votre petit kiff. 8h44, Vita et Slimane sur Énergie et les sondages du matin reviennent demain. Soyez les bienvenus, on démarre la journée ensemble. C'est Manu dans le 6-9, c'est Énergie. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal. Quand t'es pas là, quand t'es pas là. toi, je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi, je ne sais pas. Bienvenue sur Énergie, 8h47, on va écouter Kaiser Panda. Ah ouais. Ah ouais. Ça arrive pour vous, c'est dans 3 minutes sur Énergie. Juste avant ça, vous pouvez nous appeler au 0 870 42 48. J'ai une question très simple. Qu'est-ce que vous faites qui énerve les autres, mais que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire? Je vous pose cette question parce que je le sais, et on en a parlé déjà, ouais. J'ai un problème. Ouais. Ah. J'arrête pas de faire tout le temps des mensonges qui servent à rien. Oh, mais oui. C'est dingue. Alors, je sais que ça vous gonfle. C'est lourd. C'est, mais en plus, c'est tout le temps des mensonges qui, bidons, ouais, qui servent à rien, qui vont, c'est vraiment nul. Ouais. Mais je n'arrête pas de le faire. Mais et oui, je sais que ça vous énerve, mais je continue à le faire. Et moi, ça me gonfle pas. Mais c'est juste, parfois, je sors d'une discussion avec toi et je me dis quel était l'intérêt de cette discussion. Parce que peut-être que tout est faux. Mais c'est vrai. Et là où t'es bon, c'est que tu donnes plein de petits détails. Ouais. Tu donnes des noms et tout qui semblent vrais. Parce que ça m'amuse. Ouais. Ils sont complètement inventés. Et après, je me rends compte qu'on a perdu un quart d'heure avec une histoire à la con. Mais alors, cela dit, vous le prenez bien. Il y a déjà des gens qui l'ont mal pris. J'ai travaillé avec Nagui à la radio pendant 2 ans et je faisais pareil avec lui. Ouais. Et à un moment, il s'est énervé. Mais on était en émission, je raconte une connerie. Il tape, il m'a chopé par le. Oh oui. Mais non. Il m'a chopé par le cou. Oh. Il m'a fait maintenant, t'arrêtes tes conneries. Non. Non. Manu. Non, ça c'est une faux. C'est faux. Ah, putain. Vous voyez par exemple, lourd, j'arrête pas à faire ça. T'es lourd. C'est rigolo. Et le vrai problème, c'est que parfois tu ne désamorces pas tes mensonges. Donc on peut rester 3 mois avec un truc comme ça. J'ai fait croire comme ça à quelqu'un, à une nana qui bossait avec nous à la radio. Nico était là. Ouais, longtemps. J'ai fait croire pendant 3 mois que j'étais daltonien. Il y a une raison. Il y a une raison. C'est qu'en fait, on a quand même des papiers pour l'émission, hein, des papiers où on note des trucs. Et je devais annoncer une opération qu'il y avait à la radio. Ouais. Et en fait, je le vois pas. Je fais pas gaffe. Et elle me dit, putain, t'as oublié de dire ça, c'était hyper important. Et je fais, ah ouais, parce que c'est écrit en rouge. Elle me fait, bah oui, je te l'avais écrit en rouge. Et j'ai fait, non mais moi je suis daltonien, je vois pas le rouge. Oh, elle m'a dit, ah d'accord. Et du coup, après, en fait, à chaque fois qu'elle m'écrivait quelque chose, je lui avais dit, il faut me le mettre en bleu. Ouais. Et après, pendant des mois, elle me l'a mis en bleu. Ouais. Oh. Et j'avais oublié complètement que j'avais dit que j'étais daltonien. Et à un moment, à la fin de l'année, je fais, au fait, pardon, je suis pas daltonien, j'ai complètement oublié de te désamorcer là-dessus. Oh là là, c'est encore une pote? C'est, on se voit plus trop. Ceci expliquant peut-être cela. D'où ma question, qu'est-ce que vous faites qui énerve les autres mais que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire? Vous pouvez nous appeler au 0 870 42 48. Je fais tout le temps moi quelque chose en même temps que je suis au téléphone en discussion téléphonique avec quelqu'un. Et j'ai dit beaucoup de fois téléphone, non? Non, t'as juste lu beaucoup de fois des mots qui ne voulaient rien dire. Non, mais en même temps que je suis au téléphone avec quelqu'un, je fais une autre action dans ma vie. Ouais. Et donc je lui fais répéter. Parce que je n'écoute pas réellement ce qu'il dit. Ça, c'est chiant. Ouais, c'est je sais, j'arrive pas. Attends, mon frère, il fait ça aussi. C'est quand il m'appelle, quand ça décroche, il fait ouais, donc ce que je te disais, Thierry, c'est machin. Et moi, je dis allô 4 fois. Putain, mais si tu m'appelles, c'est que t'es disponible pour moi. Et ces gens-là, comme Paulette, voilà, qui font plein de trucs, c'est insupportable parce que tu nous voles du temps de vie. Ça, c'est stylé de faire ça. Ça fait le mec des bordé quoi. Ouais. Mais ça se trouve, il parle à personne. Mais oui, c'est ça. C'est tu parles à personne, t'inventes quoi. Ouais. Ouais, moi, je parle à personne à côté, mais je fais d'autres trucs. Genre, je change la litière de mon chat, des trucs comme ça. Tu vois. Non, là, je fais comme toi, là, j'écoute un litre. Bien joué, Manu. Oui, Manu, oui. Bien joué. On va s'écouter Kaiser Panda, mais reste au téléphone. Hein. Ouais, ok. 8h51, bon réveil sur Énergie. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la carne. Si tú estás bien, habla portugués conmigo, mujer, y si no, pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el balcón. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame, dame, dame, dame. hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta. En Venezuela que lo mueva. Mami, yo sé que quiere vacilar con tus amigas en el barrio. Guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacita. Todo el mundo quiere. Toda la mami no quiere. Sé que prefiere. Mami, tu huevo no miente. La gente marcha. Bogotá va a rumbear y voy a balanzar. No llego todos a Pipura y en el oriente. Todo quiere fiesta y bailar. La gente marcha. La gente quiere que te rumba y a la vea. Quiere el ritmo sin ley. El papi Pipura. Bienvenue sur Énergie, il est 8h53, on va s'écouter David Guetta après les infos de 9h et on continue à dire des choses qu'on fait, qui énervent les autres, mais on sait pas pourquoi, on continue à les faire, on ne peut pas s'en empêcher. Ouais. On a Louane avec nous au téléphone, bonjour Louane. Coucou Manu, coucou tout le monde. Coucou. Bienvenue sur Énergie, on t'écoute. Alors moi, je fais enlever en fait les chaussures à tous mes invités. Oh. Et voilà, en général, ouais, ça les énerve, mais bon, moi, je supporte pas les traces de pieds par terre, voilà. Donc, bah, disons que voilà. Le problème des gens qui font enlever les chaussures, c'est que souvent, ils ne préviennent pas. Ouais. Ouais. T'arrives chez quelqu'un, et là, tu es pris en otage. Bah, c'est ça. Enlève tes chaussures. Mais j'étais pas prévenu. Ouais. J'ai pas mis mes plus belles chaussettes. Si ça trouve, j'ai un trou. J'ai pas envie. C'est ça le problème. Mais non, tu vas pas mettre le code d'entrée et tel code et tu enlèveras tes chaussures. Ah, ça si. Se met pas dans un message. Bah si, ça se fait. Parce que c'est ouais, pas. Non, mais parce que personne. Parce que tout le monde ne le fait pas. Mais ouais, toi en plus, tu passes du temps vraiment à sortir ta tenue avec tes chaussures et tout. Alors, les chaussures, la chaussure fait l'allure, hein, je vous rappelle. Hein. Ah bah, alors, je vais à deux à l'heure alors. Merci de nous avoir appelé, Loane. Qu'est-ce que vous faites? Ça énerve les autres, mais vous pouvez pas vous empêcher de le faire. Glandu. Moi, pendant une discussion, je vérifie les infos qu'on me donne sur Internet. C'est chiant. Ouais, mais je peux pas vivre dans le doute. Ma journée est gâchée. Si j'ai un doute qui subsiste, ça peut gâcher mais ma journée. Mais pourquoi tu le fais pas après? Bah, parce qu'après, j'oublie. Après, j'oublie, je sais que j'ai oublié un truc. Je me dis, oh, j'ai oublié un truc, ma journée est gâchée. Je le vérifie tout de suite et je rectifie. Si t'as faux, je rectifie. Mais c'est important, même pour toi, tu progresses. Oh là là. Alors, note à moi-même, quand on fera un sujet sur les amis relous, mettre Glandu. Laetitia, bonjour. Salut Manu, salut les Wawin. Bienvenue parmi nous Laetitia, qu'est-ce que tu fais? Ça énerve les autres, mais tu peux pas t'empêcher de le faire. Alors moi, c'est quand je regarde la télé, je ne peux pas m'empêcher de monter et descendre le son d'un cran, mais genre toutes les 30 secondes quoi. Ah. Ça m'amuse, et ça énerve. Ah bah oui, parce que en fait fais-le quand t'es seul. Bah non, c'est pas drôle sinon. Ouais, ah oui. Ok. T'es né pour emmerder le monde. Vas-y, dis-oui. Bon, d'accord, allez, c'est bon. Je Merci de nous avoir appelé, Laetitia. On t'embrasse, belle journée à toi. Qu'est-ce que vous faites? Ça énerve les autres, vous pouvez pas vous empêcher de le faire, Nico. Moi, c'est en soirée, en fait. Quand je gère la playlist, je peux pas m'empêcher de changer de musique toutes les 30 secondes. Oh, c'est chiant. Relou. Ouais, mais je suis impatient de passer à la prochaine. J'ai envie de faire découvrir aux gens plein de chansons. Donc, je change au bout de 30 secondes, clac, je passe à l'autre. Tu sais quoi, un jour, en boîte, j'étais en boîte, un DJ, il faisait ça. Sérieux? Et parce qu'en fait, il faisait des démonstrations techniques. Genre, je passe d'une chanson à l'autre et tout, machin. Mais c'est insupportable, en fait. Ah, oui, ouais. Super soirée, quoi. Mais non, mais parce que t'as envie d'écouter un titre. Oh, il est génial ce. Non. Merde. Allez, 8h56. Don't you ever leave me. On va écouter David Guetta, ça arrive pour vous après les infos de 9h et 9h10. Les infos de Glandu. Ouais. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. C'est dans 15 minutes sur Énergie. Manu. Ma, Manu et les wa. 6h, 9h30. Tous les matins sur Énergie. Vous êtes invités sur le tapis rouge de cœur. Avec les stars Énergie.